qui permettent à chacun de retrouver un rythme de vie et des relations sociales qui garantissent la gestion de la crise sanitaire. Nous sommes hors d'une situation de gestion de crise sanitaire parce qu'une crise démocratique, une crise sociale a été provoquée par inaptitude à comprendre le point de vue des populations des Antilles, leurs demandes, leurs angoisses légitimes, leurs aspirations, par inaptitude à changer le point de vue et le regard des autorités qui les gouvernent. On n'administre pas des choses dans les Antilles, mais on gouverne des personnes. Et il est temps d'en finir avec une approche qu'on pourrait qualifier de coloniale, qui consiste à penser que les populations doivent, de gré ou de force, entendre la voix de la raison qui leur viendrait par les autorités. Telles ne sont pas les relations normales dans une république. Le peuple n'a pas à s'excuser d'avoir des demandes. Il n'a pas à s'excuser d'avoir des exigences. C'est à ceux qui gouvernent de savoir le faire, en prenant en compte les avis et en prenant des décisions qui soient autant que possible comprises et acceptées. Et pour qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles soient comprises. Et pour qu'elles soient comprises, il vaut mieux en discuter avant et qu'elles soient rationnelles. Ce qui est décidé n'est pas rationnel. Il est fait seulement de violence et de contraintes. En Guadeloupe, la décision de mettre à pied les personnels qui ne sont pas vaccinés dans les hôpitaux, en vérité, très peu de monde, a pour résultat, compte tenu du dénuement, du manque de lits, du manque de personnel avant, une désorganisation complète de l'hôpital public. À quoi s'ajoute le fait que, puisqu'on a refusé également aux libéraux non vaccinés d'intervenir, c'est plus de 600 personnes qui sont mises en dehors du circuit du soin sur le territoire. Depuis juillet dernier, les organisations syndicales ont alerté, mis en garde, présenté des propositions. Des organisations citoyennes et politiques ont fait des propositions. Rien n'a été entendu. Par contre, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées, plus de 70 ont été condamnées à des mesures souvent très lourdes. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement, au lieu de discuter, a fait ce qu'on ne supporterait nulle part ailleurs, rencontrer pendant 10 minutes les responsables locaux avant de quitter toute rencontre et de refuser tout nouveau contact pour discuter de la suite des événements, comme chacun s'attendait à ce que cela se passe. Tout est ainsi bloqué. Et puis, l'escalade des mots, les blocages de situation ont abouti à une escalade jusqu'au point où, à 3 heures du matin avant-hier, une lourde intervention policière a éradiqué le piquet de grève qui se trouvait devant l'hôpital. Et dorénavant, pour entrer à l'hôpital, on passe sous le contrôle de gendarmes, alors que le piquet de grève n'avait jamais mis en cause la sécurité de qui que ce soit. Auparavant, on avait assisté à l'arrestation violente, brutale et sans raison d'Eli Domota, l'un des leaders les plus respectés sur le territoire du syndicalisme guadeloupéen. Et depuis, on apprend qu'il est inculpé d'outrage, de rébellion et aussi de résistance violente à l'autorité. Or, la vidéo montre que rien de tout ça ne s'est passé comme cela est raconté. Alors on comprend que tout le monde soit à bout de nerfs. De nouveau des barrages, de nouveau des tensions, et je reçois, avec Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire insoumis à l'Assemblée nationale, de nombreux messages d'alerte et de demandes de nos amis sur le territoire qui nous disent « dites quelque chose, car il est incroyable que personne ne parle de ce qui se passe à la Guadeloupe et à la Martinique, comme si ce n'était plus la France, comme si nous nous désintéressions du sort de nos compatriotes au motif qu'ils vivent fort loin de l'Hexagone, à moins que ce soit l'Hexagone qui vive fort loin des Antilles. » Et c'est à cette demande que je réponds en intervenant comme je suis en train de le faire. Personne ne peut s'accommoder d'une escalade de violence comme celle qui est en train de se dérouler. Personne ne peut s'accommoder du fait qu'aucune dépêche de l'agence AFP, aucune information n'arrive ici jusque dans l'Hexagone, car s'il y avait le regard de tous les citoyennes et citoyens de toute la France, alors je suis certain qu'on prendrait des précautions pour que les choses se passent localement, beaucoup moins violemment, en tout cas d'une manière plus rationnelle, plus fraternelle. Car je le rappelle, nous ne sommes pas en train de mener une guerre, nous sommes en train de combattre un virus. Et quand on combat le virus, la population n'est pas l'ennemi, c'est le virus l'ennemi. Et il ne faudrait pas tout confondre. Non, ni les Guadeloupéens, ni les Martiniquais ne sont responsables de la situation. Et c'est le dénuement, c'est l'abandon, c'est l'inexistence de moyens les plus élémentaires de combattre la pandémie, comme par exemple l'accès à l'eau potable, qui aggrave la situation. Et pourtant, le traitement est différent dans les Antilles qu'ici, sur le territoire de l'Hexagone. Avec le même taux de circulation et de contamination du virus Omicron, là-bas, on a rétabli l'état d'urgence, le couvre-feu, et pas ici, dans l'Hexagone. Pourquoi ? Pourquoi, s'il vous plaît ? Pourquoi une telle différence de mesures prises dans les deux cas ? C'est qu'on pense qu'en intimidant la population dans les Antilles, en la contraignant, en l'enfermant, sans tenir aucun compte des conséquences psychologiques d'un tel comportement, eh bien, on finira par la mater. Et pourtant, l'échec absolu, l'échec total des mois et des mois de couvre-feu, avec des horaires changeants, avec des confinements aléatoires, l'échec total est devant nous. La circulation de la nouvelle épidémie, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler la circulation de Omicron, puisque aucune des mesures vaccinales qui protégeaient contre la Covid-19 ne protège contre Omicron. On peut être vacciné avec 3 doses contre la Covid-19 et être contaminé et malade, et pas que légèrement, de Omicron. La méthode qui a été appliquée jusqu'à présent dans les Antilles est un échec absolu. Il est donc temps de choisir d'autres méthodes et de prendre des mesures qui permettent de rétablir simplement une discussion normale entre tous ceux qui sont là, quel que soit le poste ou la fonction qu'ils occupent, quelle que soit leur place dans la société. Il faut mettre fin au couvre-feu et au confinement qui n'ont aucun effet sur la situation sanitaire. Il faut renoncer à la suspension du personnel non vacciné, parce que ça ne fait que tout désorganiser et conduire à des absurdités que tout le monde est capable de voir. Ainsi, un vacciné contaminé continue à soigner et un non vacciné absolument négatif, lui, ne pourrait pas soigner. Croyez-vous que les gens ne s'en rendent pas compte que c'est absurde ? Comment peut-on donner des consignes qui n'ont pas de sens rationnel et supposer qu'ensuite les gens vont obéir le doigt sur la couture du pantalon ? Encore une fois, nous nous adressons à des gens conscients, à des gens éduqués, et non pas à des choses qui obéissent à ceux qui leur donnent des ordres, souvent fort grossièrement. Il faut amnistier les condamnés. Aucune condamnation ne sert à quoi que ce soit du point de vue de la paix civile qu'on veut établir sur les îles. Enfin, il faut que le gouvernement accepte, même si c'est désagréable, la rencontre avec les représentants de la population sur place, avec les représentants des collectifs, avec les représentants des syndicats. Alors ça peut être désagréable, mais c'est la règle. On le fait partout d'habitude. Quand il y a une crise, on cherche d'abord à en faire baisser la pression, pas à l'augmenter pour démontrer que le pouvoir est fort et qu'il est capable de mater durement. Parce que ce n'est pas ce qu'on attend de lui, ce n'est pas ce qu'on attend d'un gouvernement. Ensuite, il y a des mesures immédiate à prendre, augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital public à la Guadeloupe comme à la Martinique par les moyens matériels et humains qui sont nécessaires. Il faut que les masques FFP2, qui réduisent, pas de 100%, mais quasiment de 99%, le risque de contamination, soient amplement distribués. En tout cas, à tous ceux qui sont en première ligne, que ce soit dans l'enseignement, dans le soin ou que ce soit en définitive. Et dans la population, cela va de soi. Que les tests soit massivement disponible pour que chacun puisse se comporter en pleine responsabilité. C'est ce à quoi aspirent les populations. Il faut qu'il y ait les purificateurs d'air dans les salles de classe et dans tous les lieux de réunion. Il faut qu'il y ait cette société du roulement qui permet d'utiliser les équipements à tour de rôle pour n'être jamais en surnombre ou que ce soit. Mais enfin, et surtout, et aussi immédiatement qu'on le peut, il faut le plan Orsec-O que nous avons défendu à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la possibilité pour chaque personne d'accéder à l'eau et qu'elle cesse d'être l'otage de coupures inopinées, parfois longues, qui épuisent tout le monde et empêchent évidemment la vie digne la plus élémentaire que l'on peut mener avec de l'eau et qu'on ne peut pas mener sans eau. Il faut à tout prix entrer dans une logique de désescalade. Je mets en garde les autorités. Les témoignages qui nous arrivent sont extrêmement alarmants sur l'état d'esprit et une certaine forme de désespérance, notamment dans la jeunesse, qui a été exposée à avoir en quelque sorte toute sa vie sociale suspendue depuis des mois et des mois en raison des fermetures de classes, en raison des fermetures d'établissements dans le secondaire et dans le supérieur comme dans le primaire, et de toute vie sociale ou nocturne ou pendant les week-ends. Non, les gens ne sont pas des choses. Et gouverner nécessite de le comprendre. Je souhaite que tous ceux d'entre nous qui ont une audience, une autorité morale, quelle qu'elle soit, et qui entendent notre appel, s'interposent partout pour toujours faire prévaloir les solutions non violentes, l'exigence du dialogue, la nécessité de la paix civile. Je dis au gouvernement que la logique qui consiste à vouloir prouver sa force en faisant des provocations ne mène nulle part qu'à d'autres et insurmontables blessures et violences. Avoir éradiqué par la force à 3h du matin un piquet de grève en blessant gravement l'un de ceux qui étaient là au titre d'un collectif de citoyens ne rapporte à l'autorité qui prend une telle décision et à ceux qui l'exécutent que du mépris et du dégoût de la part de la population. Mais dans une société démocratique, le rapport du peuple aux autorités ne peut pas être fait que de dégoût et de rejet. Il faut reconstruire la relation entre l'autorité et ce à qui, en définitive, elle doit profiter. Quel bénéfice y retombe tout cela? Peut-on me l'expliquer? Il n'y en a aucun. Il faut d'abord revenir à une situation normale. Et donc, j'en ai décrit tout à l'heure, les conditions telles qu'elles nous sont rappelées par les gens sur le terrain. Je voulais vous le dire, avec toute la passion qui doit nous animer, nous ne sommes qu'un seul peuple, le peuple français. Où que nous soyons, dans les Antilles, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Corse, sur le territoire de l'Hexagone. Nous sommes la France tous. Il ne peut pas y avoir des sous-citoyens. Il ne peut pas y avoir des insulaires à qui l'on peut faire subir le traitement que l'on veut du moment qu'on s'assure que dans l'Hexagone, ça ne se saura pas. Parce que nous en sommes des observateurs vigilants et qu'on ne peut faire vivre la France qu'à la condition à chaque instant de se préoccuper de tout le monde avec le respect, avec l'exigence d'une égale dignité pour chacun. Nous formons le vœu que notre appel soit entendu. À vous tous, là-bas aux Antilles et dans les différents territoires, départements, régions de l'outre-mer français, l'expression de notre fraternité, de notre affection et du fait que nous ne vous lâcherons pas. Il y avait une institutrice à Sainte-Anne de Quimperlé qui n'y voyant pas malice épousa un divorcé. Vive les culs bénis ma mère, vive les culs bénis, vive les culs bénis ma mère, vive les culs bénis. Elle fut mise à la porte sans aucune hésitation. Faut pas de gens de cette sorte dans une bonne institution. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Elle plaida l'institutrice devant sa juridiction, obtint en bonne justice sa réintégration. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Il y avait les hypocrites, les chafouins, les trop nourris, les foutriquets, les jésuites, les cagots, petits esprits. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Ils lui ont fait des vacheries et des emmerdements, et lui feront des avenirs jusqu'à ce qu'elle foute son camp. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Morale: il faut se mettre à la colle, beaucoup de curés le font, pour garder dans son école sa considération. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Vive les cul-pénis, ma mère, vive les cul-pénis. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. La grande tribune de la présidentielle reçoit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes le candidat de l'Union populaire. Vous venez de faire paraître l'Avenir en commun, le programme pour l'Union populaire. Je le montre à la caméra. Vous le vendez 3 euros. 600 ou presque 700 mesures, 694, très précis. C'est un programme qui, on verra s'il deviendra un programme commun de la gauche. On en parlera avec Marc Hendevelt. Bonjour Marc. Bonjour. Qui m'accompagne à chacune de ces grandes interviews politiques avant la présidentielle. Alors on va parler avec vous bien sûr de la présidentielle, mais bien sûr aussi du contexte dans lequel elle se déroule. Et on voudrait profiter de votre présence peut-être pour essayer de regarder le monde tel qu'il va ou ne va pas. Alors pour commencer justement ce retour, Jean-Luc Mélenchon, de la crise Covid, on n'attendait pas forcément cette cinquième vague, voire cette sixième, puisqu'on parle d'un nouveau variant. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on va vivre dans une forme de pandémie permanente? Est-ce que ça va devenir endémique? Et faudra-t-il se vacciner chaque année, comme c'est le cas pour la grippe? Oui, vraisemblablement. C'est ma thèse depuis le départ. D'abord parce que tous les virologues disaient que les épidémies de cette nature fonctionnent par vagues, ce qui m'a valu quelques commentaires sarcastiques au début lorsque je disais il y aura une deuxième vague, donc apprenons vite maintenant, tirons toutes les leçons de la première pour faire face. Ça n'a servi à rien parce que structurellement, ceux qui dirigent le pays ne sont pas des maîtres des horloges, ne jouent pas avec le temps long. Or le temps long, c'est celui de la nature, c'est celui de des cycles humains. Alors oui, la pandémie est dorénavant permanente, d'abord parce que ses causes, pas une, n'a changé. Quelle est la cause de la pandémie au départ? Bien sûr, c'est un virus, mais ce virus n'existe pas tout seul, il existe dans un contexte social et à cause de lui. Je veux dire qu'il n'y a pas de virus s'il n'y a pas d'élevage intensif qui transmet par zoonose le virus des animaux sauvages, lesquels ont été expulsés de leur habitat, par un modèle particulier de culture. Voilà, donc le phénomène a une racine sanitaire, évidemment, écologique, évidemment, et au point de départ, social. C'est parce qu'il y a ce type d'occupation du sol qu'il y a ce type de transmission. Et depuis le début de la pandémie, j'achèverai là-dessus, pas une seule décision n'a été prise concernant les fermetures d'élevages intensifs. C'est le contraire, ça continue. Et on vient d'avoir cette semaine une nouvelle démonstration, puisque la grippe aviaire apparaît en France, dans un élevage de 160 000 poules, peut-on appeler ça encore un élevage, pas plutôt une usine, les fermes-usines sont une des causes essentielles des pandémies. Et comme le modèle capitaliste de l'agriculture ne changera pas, donc la pandémie sera permanente. Voilà. Peut-être pour continuer sur cette élection présidentielle va se dérouler donc en pleine nouvelle épidémie, probablement, malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Est-ce que le pass sanitaire reste une bonne solution pour éviter de fermer les frontières ? On voit que certains pays commencent déjà, avec ce nouveau variant, à refermer les frontières, avec un vrai danger sur une rechute de l'économie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et puis, il y a cette question majeure de la vaccination dans les pays pauvres, les pays en voie de développement, parce que pour se débarrasser d'un tel virus, il faudrait vacciner 7 milliards d'humains. Oui. Alors, commençons par dire que le pass sanitaire n'a jamais été une protection et ne le sera jamais. Pourquoi ? Parce qu'il a été imposé en France pour obliger les gens à se vacciner, alors que la consigne mondiale est que la vaccination ne peut pas être obligatoire. Je ne porte pas d'appréciation sur tout ça, je pars des faits. Dès lors que l'Organisation mondiale de la santé dit qu'on ne doit pas obliger, mais convaincre, non pas contraindre, mais convaincre, si le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, on s'en prend aux pas convaincants et pas aux pas convaincus, normalement. Hein. C'est pas ce qui se passe. Bon, alors le pass sanitaire, pourquoi n'est-il pas une bonne solution ? C'est qu'il vous donne l'illusion de la sécurité. Parce que pour avoir le pass sanitaire, il faut vous vacciner. Tournons pas autour du pot. Les tests, ça n'est pas dans vos moyens ni dans les miens de faire un test tous les jours à 40 euros. Bon, donc c'est pas possible. Donc la seule solution pour avoir le pass, c'est d'être vacciné. Or, la vaccination ne vous garantit pas de ne pas être contaminé. Et si vous êtes contaminé, vous êtes donc contaminant pour les autres. Donc le pass sanitaire n'est pas une solution. Mais la vaccination réduit les risques de maladies graves. C'est certain, moi-même je suis vacciné pour cette raison. J'ai fait une évaluation rationnelle et je me suis dit, il vaut mieux pour moi être vacciné que de ne pas l'être. Mais pour autant, je sais que je reste en danger, comme vous. Et là d'ailleurs, nous sommes dans une situation dangereuse. Bien. Le seul moyen que vous ayez, vous ou moi, de savoir à quoi s'en tenir, c'est de faire un test. Or, c'est précisément ce que le gouvernement a voulu rendre impossible en supprimant la gratuité. Donc la première des choses à faire, c'est le retour à la gratuité du test, notamment à la veille des réveillons. Vous savez que c'est quand même, si la France républicaine a un rite commun, c'est la trêve des confiseurs. Hein. Le réveillon, tout le monde le fait, quelle que soit sa religion. Celui de Noël et celui du premier de l'an. Et s'il y en avait un troisième derrière, il aurait lieu pareil. Bon, donc on va avoir des réunions de famille, enfin toutes les choses normales de l'activité humaine. Mais il faut que chacun puisse se comporter responsablement. Comment pouvez-vous le faire si vous demandez 40 euros pour vous assurer de savoir si vous êtes contaminé ou pas ? Et surtout quand vous n'avez rien organisé pour faire face à une soudaine poussée, mettons que tous les Français se disent « moi, je veux rien savoir ». Pour le réveillon, mon test, hein, donc j'y vais. Est-ce que vous pourriez tous être satisfaits 24 heures avant ? Non. Donc rien n'est organisé, le foutoir est garanti, ainsi que la transformation en foyer de contamination des deux réveillons. Que faut-il faire à partir de là ? D'abord, commencer par, oui, fermer les frontières depuis les pays où la contamination est en fait. C'est une mesure de précaution élémentaire. Ça durera quelque temps, mais mieux vaut ça que de se retrouver face à une crise que plus personne ne maîtrise. Deuxième élément, enfin comprendre que prendre modèle sur des sociétés que l'Europe a tendance à mépriser ou à regarder de haut, mais toute l'Afrique vit avec des pandémies depuis des générations. Et elle a donc appris à faire face par des précautions quotidiennes, par le lavage des fruits. Je m'en souviens lorsque j'étais enfant, on nettoyait tous les légumes au permanganate de potassium, alors l'eau devenait violette, et nos parents nous invitaient à regarder ça, et comment on faisait, et tout ça. Donc, il faut apprendre à vivre avec, donc la permanence des gestes barrières, le port du masque, les sociétés par roulement, les salles de classe par roulement, les purificateurs d'air, tout ce qui n'est pas fait en ce moment, doit être fait. Et évidemment, au milieu de tout ça, encore une fois, les mesures qui permettent une prévention sérieuse. Alors, aucune leçon n'a été tirée des précédentes vagues. Moi, je le déplore, d'autant que les Insoumis, sous la conduite de Mathilde Panot et d'Éric Coquerel, ont fait une commission, nous-mêmes, on fait une commission d'enquête, et il y avait plein de solutions qui sont trouvées par les gens qui s'en mêlent, qui sont occupés de tout ça, et aucune n'a été retenue. Par exemple, sur les lieux de travail, messieurs, je ne sais pas si vous avez eu une réunion pour savoir quelles sont les meilleures conditions de travail dans ce studio, mais je pense que ceux qui savent le mieux ce qu'il faut en penser, c'est vous, parce que c'est vous qui pratiquez. C'est pas quelqu'un qui, depuis l'extérieur, va vous dire « faites ci, ne faites pas ça ». Bon. Donc moi, j'étais pour qu'il y ait des assemblées de travailleurs sur les lieux de travail pour dire quelles sont les meilleures conditions. Connaissant le mépris d'une manière générale pour les conditions de travail, puisque, comme vous le savez, il y a 565 morts sur le lieu de travail, 1200 par maladie professionnelle tous les ans, et que nous nous concentrons sur les événements liés à la sécurité dans tel ou tel quartier, plutôt que de nous intéresser au phénomène de masse. Donc, que voulez-vous que je vous dise, sinon que il en va de la crise sanitaire comme de tout le reste. Il y a un regard, une manière de la traiter comme phénomène humain et sociologique qui dépend, suivant le balcon, on observe. Alors, ceux qui sont les propriétaires du capital regardent ça pas tout à fait de la même manière que celui qui est directement concerné par une contagion possible. Marc, peut-être sur les aspects plus géopolitiques. Oui, enfin, avant, on reviendra sur la campagne, mais vous avez déclaré que vous craigniez que l'esprit public soit obsédé par les questions de sécurité sanitaire dans le cadre justement du débat politique dans les prochains mois, prochaines semaines. C'est quelque chose auquel vous avez réfléchi en termes de stratégie politique ? Oui, depuis le début. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons démarré très tôt notre campagne, c'est que nous savions que nous serions jusqu'au bout dans l'incertitude. Et dès lors, il ne fallait pas compter pour construire une opinion publique qui nous soit favorable ou pour nous, qui est plus difficile à construire. Pourquoi ? Parce que ceux qui défendent l'ordre établi et se proposent ici ou là une amodiation ont moins de travail à faire pour en convaincre les gens que des gens comme nous qui expliquent qu'on va en passer par la planification écologique ou des grands changements, la 6e République, etc., la constituante. Donc il nous faut plus de temps pour... C'est une autre stratégie de combat qui est de ancrer les convictions et de fabriquer par... comme on fabriquerait en partant du centre vers l'extérieur un oignon, hein, par couches successives, une opinion stable et ferme, capable de résister aux coups qui nous seront portés en fin de campagne, parce que nous savons que c'est maintenant devenu une tradition, et que la France y est entrée avec une certaine gourmandise. La dernière fois, c'était l'affaire Fillon, 4 semaines de débat sur... la situation de M. Fillon plutôt que sur son programme. Il était impossible de parler quoi que ce soit d'autre. Je me souviens en 2012, en janvier et février, nous avons eu pratiquement un mois de discussion sur la viande halal, alors qu'était en train de se voter le mécanisme européen de stabilité financière. Donc il y a une capacité de la classe médiatique à fabriquer des diversions qui est absolument extraordinaire. Et comme aujourd'hui, tous les grands appareils de transmission des convictions politiques étaient autrefois l'organisation syndicale, la mutuelle, les associations, les grands syndicats. Vous n'avez pas idée de ce qu'était le syndicat national des instituteurs avant sa dissolution. Il faut vous rendre compte qu'ils éditaient des livres. Hein. Donc ces grandes machines à fabriquer des convictions et des grands ensembles idéologiques ont disparu. Et donc tout le pouvoir est maintenant à ceux qui peuvent, par un effet de sidération quotidien, c'est l'information en continu, fabriquer des événements qui obstruent l'esprit public, empêchent de réfléchir et proposent à longueur de journée des sottises qui le lendemain sont démenties, puisque la machine faire et défaire, c'est toujours faire. Alors oui, la campagne sous Covid est très compliquée. Pourquoi ? Parce que si elle conduit à interdire, faut comprendre la psychologie de masse, hein. L'art de faire campagne, c'est un art. Nous avons besoin de grands rassemblements. Nous avons besoin de faire à nous-mêmes des démonstrations de force. Vous prévoyez un grand meeting le 5 décembre, oui. À la Défense. Oui, alors oui, mais combien de temps va-t-on encore pouvoir faire des meetings ? Déjà, je voudrais dire au passage que c'est pas simple. Hein. Pour le 5 décembre, il n'y avait pas une salle à un taux accessible, à un prix accessible, dans toute la région parisienne. La démocratie est devenue horriblement chère. Et puis, on devait aller au Zénith. Mais on nous a dit, c'est pas possible, toutes les salles sont occupées. Et 2 mois après, nous apprenons que si, il y a quand même une salle de libre, mais c'est pour Monsieur Zemmour. Alors, nous, ça nous fait un peu rigoler, parce que donc ça montre que l'affaire était prévue depuis longtemps. Mais je reste sur votre question. Oui, il y a une difficulté. Un, si nous sommes privés de cette capacité de démonstration de force à nous-mêmes, surtout quand la campagne qui nous pilonne, hein, depuis maintenant 3 mois, avec la complicité stupide, de gens qui n'ont jamais pratiqué une seconde de stratégie politique, c'est que toute une petite gauche est là, jaspinant, oui, si nous ne sommes pas unis, tout est perdu. Alors, comme nous ne sommes pas unis et nous ne le serons pas, donc tout est perdu. Et eux-mêmes contribuent à creuser le trou dans lequel nous sommes censés tomber. Donc nous avons besoin de démonstrations de force. C'est pas les sondages qui vont nous les donner, puisque eux ne comptent que les gens qui sont sûrs d'aller voter, c'est-à-dire de 1 à 0, hein, pardon, de 10 à 0. Si vous êtes à 10, vous êtes compté. Si vous êtes à 5, non, vous n'êtes pas compté. Si bien que ce sont d'abord les milieux populaires qui disparaissent. Nous sommes donc sous la pression d'une machine à résigner. Faire dire, bon, ça sert à rien, de toute façon c'est perdu, et puis d'ailleurs ils sont divisés, puis on nous le répète, et blablabli, et blablabla, donc on ne fait rien. Et comme on ne peut pas se réunir, et comme on n'a pas d'action de masse possible, eh bien, on serait vaincu avant d'avoir commencé. C'est ce que j'ai prévu depuis le début, c'est pourquoi je me suis dit, on démarre tôt, on fait des meetings, nous avons expérimenté des méthodes pour pouvoir faire des meetings en ligne. Ça n'a pas... Vous êtes très créatif sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Oui, partout. Parce vous pensez que c'est la nouvelle façon moderne de faire campagne autant que non, c'est le seul moyen dont nous disposons pour contourner l'officialité médiatique. Bon, je ne dis pas que ce soit efficace à 100%, l'officialité est nécessaire. On ne peut pas se priver d'aller dans des émissions de télévision, sur des chaînes qui se captent directement sur son écran. Tout le monde n'a pas encore compris qu'avec son téléphone, on peut passer directement sur son écran de télé. Alors il faudra un certain temps avant que tout le monde ait cette pulsion, et donc à ce moment-là, on aura définitivement vaincu l'officialité, puisqu'on pourra complètement la contourner. Bon, d'ici là, c'est pas encore le cas, donc il faut être présent partout à la fois, et on ne peut pas dire, bon, voilà, alors en plus on a un énorme appareil contre nous, le seul qui compte dans cette campagne, le vrai adversaire, c'est M. Macron, avec à sa disposition beaucoup de sympathie dans bien des milieux médiatiques, et puis l'énorme appareil gouvernemental qu'est le soi-disant service public, qui, du matin au soir, déverse de la propagande gouvernementale, traîne dans la boue tout ce qui n'est pas d'accord avec le chef. Il suffit de regarder une seule de ces émissions pour se rendre compte que ce n'est pas fait pour... Comme on est là, vous voyez, vous me laissez parler, vous ne m'interrompez pas toutes les deux secondes, ça vous paraît courtois et normal, moi aussi. C'est absolument inenvisageable sur une quelconque chaîne du service public où je suis coincé au troisième mot. Alors, on va quand même vous interrompre sur une, puisque vous commencez à parler de stratégie politique. On voulait en parler à la fin, mais c'est vrai que ce sujet est important. Vous avez fait 11% en 2012, 19% et des poussières, grosses poussières, en 2017. Vous étiez quatrième les deux fois. Cette fois-ci, vous êtes en tête. Vous allez sans doute virer en tête. Autour de 10 points, selon les sondages, en tout cas vous êtes sur cette crête-là pour cette élection-là. Quelle stratégie voulez-vous aborder pour essayer de rassembler votre camp? Votre camp est divisé comme jamais, et j'allais dire, il est plus faible qu'il n'a jamais été. On a rarement vu la gauche, quand on additionne, faire un score aussi faible en France. Parce que c'est pas un camp. Pourquoi est-il faible? Parce que c'est pas un camp. Vous avez là-dedans des néolibéraux assumés, qui sont les socialistes, en France comme dans toute l'Europe. Hein. Vous avez des gens qui sont des fédéralistes européens, donc qui sont pour qui l'État-nation n'a pas de sens, et sa disparition serait une bonne chose, donc ils sont d'ailleurs organisés pour ça, c'est pour le cas des écologistes. Des gens pour qui la victoire n'est pas un sujet, je pense à mes camarades du Parti communiste, qui ont fait un choix de candidature de témoignage. Donc tout ça ne fait pas un camp. Et d'ailleurs, tout ça, comme vous le dites vous-même, n'influence que, finalement, peu de monde. Mais ça, c'est d'après ce que les sondages nous montrent, c'est-à-dire d'après les gens qui sont décidés à aller voter. Les gens qui sont décidés à aller voter sont essentiellement les gens qui votent d'habitude. Donc c'est un secteur de la population socialement très typé, très typé. Et qui, évidemment, ne nous est pas favorable. J'ai donc pris le problème par l'autre bout. Puisqu'on ne pouvait pas avoir d'accord au sommet, pour des raisons valables, et pour des raisons qui, si nous venions à les mépriser, nous détruiraient. Supposez que je retourne m'accorder avec Madame Hidalgo pour dire, bon, mais pour qu'on s'accorde, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. Donc, pas question de ceci, pas question de cela, pas question de changer les institutions que les socialistes approuvent, pas question de rétablir tel ou tel impôt, bon bref, on ne parlerait de rien. Et on viendrait, on disait, mais regardez, nous sommes unis. Et les gens diraient, mais c'est bien ce qu'on vous reproche. Parce que nous ne croyons pas à ce que dit l'un ou à ce que dit l'autre. Donc vous vous mettez ensemble, vous faites donc semblant. Donc vous n'êtes pas crédible. L'unité dans des conditions pareilles tuerait notre crédibilité. Cependant, j'ai essayé. Mais je sors pas de l'œuf. Donc on ne m'amuse pas avec des petits chiffons et des rubans. J'ai proposé le Front Populaire, puis la Fédération Populaire, on m'a envoyé balader. Nous sommes entrés dans les élections régionales et départementales en disant, puisque l'essentiel n'est pas engagé, les institutions, l'Europe et les finances, faisons des listes communes. On m'a également envoyé non seulement balader, non seulement quand j'ai proposé aux Verts toutes les têtes de liste, sauf une pour nous, non seulement ils nous ont envoyé balader, mais ils ont même exclu des listes, ce qui fut le cas dans la région PACA, où le danger d'extrême droite était le plus grand, ça ne les arrêtait pas, et dans leur sectarisme. Donc j'ai parfaitement compris le message, je l'ai retenu, et on s'est organisé comme on l'avait fait en 2016, c'est-à-dire, drapeau et musique en tête, nous allons essayer de convaincre. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre en démocratie à part convaincre? Et la bonne chance qu'on a eue, la méthode a été assez joliment jouée par nous, et en particulier par Manuel Bompard, qui est le directeur de la campagne, c'est que il fallait faire la preuve que ça avait un sens majoritaire, l'Union populaire. Il a donc décidé d'utiliser l'outil qui est cru par les médias comme étant la vérité à l'état pur, de faire des sondages. Donc il a fait faire des sondages sur toutes les mesures, les principales mesures du programme. Et là, on découvre des 70%, 80% favorables. Donc la question qui se pose n'est pas l'unité des étiquettes et des logos. La question qui se pose, c'est pourquoi, alors qu'on a un programme dont le contenu est approuvé par une telle majorité de Français, cette majorité ne se constate pas d'ores et déjà dans les programmes. Et c'est là que va être toute la difficulté de notre travail. Donc, dès le mois d'août, j'ai annoncé. En plus, moi, c'est toujours simple avec moi, j'écris tout ce que je pense et je raconte dans les discours tout ce que je fais. Donc, aux amphis d'été, j'ai expliqué comment on allait s'y prendre. J'ai dit, plus il y a une abstention forte, moins c'est bon pour nous. Moins il y a d'abstention, meilleur c'est pour nous. Et dans les quartiers populaires. Donc, nous avons concentré toute notre logistique sur les caravanes dans les milieux populaires, le porte-à-porte en milieu populaire, la création de référents par immeuble, partout où on peut, de gens qui se déclarent comme ça. Voilà ce qui est notre stratégie de campagne, faire voter les milieux populaires. S'ils votent, notre chance est immense de gagner, c'est-à-dire d'arriver au deuxième tour et ensuite advienne que pourra. S'ils ne votent pas, nous sommes perdus. Sur, justement, pour la qualification stratégique au second tour, vous pensez que les forces, et comme les écologistes, seraient capables de se retirer si vous êtes en première position, dans la dernière ligne droite? Je ne sais pas, j'y compte pas. Je sais qu'ils ont été capables de le faire pour les socialistes, mais il y a eu une telle diabolisation à dessein. Nous étions les plus forts, il fallait donc créer une ambiance. Alors j'ai été personnellement diabolisé de toutes les manières possibles. Sur 40 secondes dans une perquisition, on a eu droit à mes yeux exorbités, sans qu'une seule fois quelqu'un se soit demandé si c'était normal qu'il y ait 100 personnes qui nous perquisitionnent, sans qu'une seule fois on se soit demandé ce que cet homme m'avait dit, qui était d'ailleurs d'extrême droite. Le gars que vous voyez avec sa barbe, c'est un type d'extrême droite, on sait qui c'est. Alors, maire, justement, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans, moi, je vous ai vu dans plusieurs émissions, dans des grandes chaînes. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans une stratégie de dédiabolisation? Est-ce que le Jean-Luc Mélenchon qu'on voyait, le couteau entre les dents, le Che Guevara, enfin non, ça c'est Bruno Le Maire sur les salaires. Donc, en tout cas, le Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qu'on a connu, est-ce que vous n'êtes pas, vous n'avez pas déjà mis de l'eau? C'est plus le bruit et la fureur. Est-ce que vous n'êtes pas dans un dialogue, notamment, je pense, sur l'économie? On a vu plusieurs débats où vous avez parlé à des chefs d'entreprise, de PME, industriels, et il y avait un vrai échange, y compris sur des sujets où ils n'étaient pas forcément d'accord, mais où vous aviez un vrai échange et vous avez expliqué, comme vous connaissez la filière bois, etc. Oui. Est-ce que c'est une stratégie de dédiabolisation de votre part? Non. Un peu quand même. Non, parce que d'abord je ne suis pas ma caricature, pardon de vous le dire, mais comme on n'a jamais, beaucoup n'ont pas vraiment fait attention, ni à d'où je venais, qu'est-ce que j'ai fait, et comment j'évolue. On s'est arrêté à des effets de tribune, parce que c'est normal en plus, si vous voulez. Ah, vous êtes un peu un tribun. Pas un peu, beaucoup, puis j'en suis fier. Non mais j'en suis fier. C'est ma tradition historique, alors des fois je me perds, je surestime la culture de mes adversaires. Quand je dis ma personne est sacrée, pour moi qui ai fait du latin, qui ai étudié la situation, la civilisation romaine, je m'identifie au tribun du peuple. La République, c'est moi. Ben oui, c'est le tribun du peuple. Non, là c'était un peu plus compliqué, mais tribun du peuple, c'était dans la Rome antique un crime devant les dieux, d'attenter à sa vie. Hein. ou de l'empêcher d'agir. Bon, tout ça est un peu romanesque, et je reconnais que j'aurais pas dû penser que mes concurrents, mes adversaires connaissaient l'histoire. De même que le jour où j'ai dit « le bruit et la fureur », ça a renvoyé « je suis le bruit et la fureur », le fracas de mon époque. Je le disais parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de douce confiserie dans l'élite économico-politique qui pensait que tout allait bien et finirait par s'arranger. Moi, je disais, vous êtes complètement fous. Le monde roule à une inégalité telle que ça va être violence partout. Et je dis, je suis le bruit et la fureur. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment ai-je fait pour ignorer que la plupart de ceux qui m'entendraient ne savent pas que c'est le titre d'un des plus grands romans modernes, de la littérature moderne, de William Faulkner, qui s'appelle « Le bruit et la fureur ». Et c'est tiré d'un vers de Shakespeare. Je croyais que c'était su dans ceux qui ont... Mais personne n'en sait rien. Et j'ai même entendu un jour un journaliste, ça m'a bien fait rire, qui a dit « Ce type est fou, il veut être le bruit et le fureur ». Alors, je me suis dit « Bon, là, on a touché le fond ». Mais ça m'a fait rire. Alors, voilà. Après, le temps passe sur tout le monde et sur moi aussi. J'ai 70 ans. Attendez-vous, moi, à me voir faire des sauts périlleux arrière. Alors, est-ce qu'on a un nouveau Jean-Luc Mélenchon, un peu, nous, dans cette campagne? Mais on est tous... plus sages, plus apaisés, dans un monde de fureur, dont on va parler, justement. Ah, oui. Un autre regard sur vous dans ce monde de fureur. Je sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que je ne joue pas la comédie. Je suis tel que je suis à chacune des étapes. Et aujourd'hui, c'est vrai, si vous voulez, qu'en voyant monter cette extraordinaire vague de haine contre les musulmans, quelque chose s'est réveillé en moi qui était enfoui et qui tient à mon enfance, dans le Maghreb, à la période de la décolonisation et de cette énorme cohue dans laquelle je me suis trouvé pris à l'époque, ne comprenant rien à mes 10-11 ans, qui a été le départ du Maghreb. Moi, je partais du Maroc, où il n'y avait aucun problème particulier, mais toute ma famille d'Algérie. Et si vous voulez, tout ça m'a ramené à l'idée que comment faire en sorte que ça ne recommence pas, pardon, je ne veux pas mal parler à propos de l'Algérie, ce n'est pas le sujet, elle est indépendante, et c'est bien comme ça, et c'est eux qui avaient raison. Mais je ne veux pas qu'on retrouve dans ce pays les doses de haine que j'ai pu voir se créer par des gens qui étaient braves, les miens, ma propre famille, les hommes qui étaient mes modèles d'esprit, d'aventure, d'entreprise, qu'ils avaient tout d'un coup se transformant dans ces gens hargneux contre lesquels, heureusement, j'ai été protégé par mon éducation. Mais je ne veux pas que ça recommence ici. C'est-à-dire que des jeunes gens qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans se sentent rejetés par la communauté nationale, comme nous l'avons été, nous, jeunes pieds noirs, quand nous sommes arrivés ici, bon, c'était l'horreur, quoi. Ils nous prenaient tous pour des colons, ils nous insultaient, enfin, c'était affreux. Donc, je veux pas ça, et oui, ça me rend plus... ça me pousse à dire, doucement, mollo, là, vous êtes en train de sortir du cadre. Faut apaiser. Oui, plutôt. C'est un mot qu'on ressent dans cette campagne. Hein. Ben, moi, ceux qui veulent diviser et ceux qui veulent... Moi, je sens ça comme ça. Je sais que si vous laissez sortir cette patte-là du tube, vous ne la ferez plus rentrer. Donc, il faut faire ce qu'on peut, chacun à sa place, pour éviter que ça dégénère. Sur la fureur du monde, décrite par Philippe Mabille, vous avez dit également récemment que les questions de sécurité et de défense étaient généralement maltraitées ou peu traitées dans les élections, et notamment l'élection présidentielle. Vous aviez, il y a 5 ans, expliqué, souhaité une sortie progressive de l'OTAN. On a vu, comme sur d'autres sujets que vous aviez évoqués à l'époque, on va dire que les thématiques vous ont rattrapé. Donc il y a Emmanuel Macron qui a évoqué durant son mandat que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il y a un premier débat, on va dire un début de débat sur la question de l'OTAN au niveau de la question des sous-marins français qui auraient dû être vendus en Australie. Donc on sent que sur plusieurs sujets, notamment sur les questions de défense et de sécurité, vous allez peut-être pouvoir porter ces questions-là davantage. En tout cas, ces derniers mois, si je reviens à la question de l'OTAN, dans les milieux de défense, notamment français, la question est de nouveau sur la table. Et plus largement, sortir progressivement de l'OTAN, quelle solution alternative pour la sécurité de la France? Quelle alliance possible dans le monde actuel? Vous évoquez une entente altermondialiste dans votre programme. Ça signifie quoi? Et dans le choc États-Unis-Chine, en gros, Où est-ce que la France peut se placer là-dedans? Alors d'abord, vous dites les thèmes rattrapent, ils sont sur la table. Non, cette situation que nous vivons là à cet instant est exceptionnelle. On ne parle jamais de questions de défense, tout est figé, tout est tabou. Si vous dites quelque chose contre les États-Unis d'Amérique, vous êtes instantanément et comme une pièce dans un répondeur automatique qualifié d'anti-américain primaire. À quoi, depuis plus de 10 ans, je réponds que je ferai de l'anti-américanisme supérieur le jour où il y aura de l'américanisme supérieur. Bref, tout ça est très convenu, très figé, c'est des rôles. Que quelqu'un m'interroge sur le sujet est rare. Ça a dû se produire une ou deux fois. Bon, hier, c'était le cas sur LCI. On en avait un petit peu parlé avant, mais ce sont des questions dont je pense que, déjà, puisque vous m'interrogez, vous sentez bien à quel point elles sont fondamentales. Hein. C'est la sécurité du monde, c'est la place de notre pays, nous ne sommes que 67 millions, hein. Donc on a intérêt à être un peu vigilant. Et puis comme on est visible et hableur, et présent sur toute la planète, puisque nous sommes un des rares pays du monde qui est au contact de tous les continents, sur tous les océans et toutes les mers, pratiquement. Hein. Peut-être pas la mer Noire ni la mer de Marmara, mais enfin, nous sommes présents partout. Et dès lors, nous sommes une nation qui est directement impliquée dans la marche du monde, physiquement, hein, sur tous les continents. Et nous traitons tout ça avec beaucoup de désinvolture, je veux dire les dirigeants français. Le pire ayant sans doute été M. Hollande, qui ne s'y intéressait pas, et en avait une vision... faite de beaucoup d'ignorance. Par exemple, il a accepté pratiquement il a été élu, un mois après, il a signé un accord à Chicago pour l'OTAN, et il acceptait qu'on installe des batteries antimissiles en Pologne. Alors à l'époque, on nous vendait ça comme une machine à contrer d'éventuels missiles iraniens, alors pas très bien par où ils seraient passés, mais bon. Et il a avalé ça tout rond en disant « j'ai fait connaître mes réserves ». Vous pensez que les Américains se tapaient le derrière par terre des réserves des Français? La vérité, c'est qu'aussitôt, l'Europe était transformée en champ de bataille. Parce que si nous acceptons qu'il y ait des missiles antimissiles en Pologne, et qu'ils menacent 75% du processus de défense des Russes, ça veut dire deux choses. Un, qu'on menace les Russes, donc ils vont répliquer. Et deux, qu'on accepte qu'une partie de la bataille ait lieu en Pologne, où se trouvent les batteries en question. De la même manière que les bombes nucléaires nord-américaines qui sont en Allemagne ne sont pas une affaire pour les Français, puisqu'ils rapprochent une cible de la France. Alors, j'ai donné ces quelques exemples pour montrer que c'est des questions où il faut faire preuve de caractère et de courage. Alors, on a des modèles de ceux qui ont su le faire. Le président Mitterrand, d'une manière équilibrée, lorsqu'il lui semblait que la menace que représentait l'Union soviétique n'était pas prise au sérieux par les nôtres. Ce n'est pas le meilleur moment, à mon avis, de sa présidence, mais il a assumé avec sérieux une position politique claire, nette et tranchée. Les SS-20 sont à l'est, voilà. Les pacifistes sont à l'ouest. Voilà, c'était cette phrase un peu terrible, mais il assumait. Et donc, nous étions tous dans l'obligation de dire si oui ou non on le soutenait. Le général de Gaulle avant lui a fait, alors ça m'ennuie un peu que ce soit moi qui cite le général de Gaulle, mais bon, telle est l'histoire, on ne va pas se fâcher avec Mazarin, ni avec Richelieu, donc on ne se fâche pas avec De Gaulle, c'est l'histoire, voilà. Il a assumé une position politique d'une incroyable provocation, quand il décide de créer la force nucléaire française et la dissuasion, tous azimuts. Aujourd'hui, personne ne se rend compte de ce que ça pouvait vouloir dire, mais les journalistes lui disaient « comment ça, tous azimuts ? Vous voulez dire aussi les Américains qui sont nos alliés ?» Et le général de dire « bah oui, quoi, tout le monde, tous azimuts, c'est tous azimuts ». Bon, moi je partage cette position. La France se défend et défend ses frontières toute seule. Elle ne demande rien à personne. Et elle prend tous les moyens d'exercer soit des représailles, c'est le cas avec la dissuasion nucléaire qui est une arme post-mortem, hein, posthume, d'une manière qui soit dévastatrice pour ses éventuels adversaires, si bien qu'eux se disent « bon, on va foutre la paix aux Français parce que ils sont capables de nous répliquer avec une violence pas possible ». En sachant que cette violence n'aurait pas la même signification selon qu'elle s'appliquerait à un pays de taille comparable au nôtre, 70, 100 millions d'habitants, ou si c'est une immense nation qui compterait des milliards de personnes. Supposons que l'on se fâche avec l'Inde. Il est tout à fait évident qu'une arme nucléaire en Inde n'a pas le même sens qu'en France, parce que vous devez tirer 3, 4, 5 fois avant d'obtenir le résultat qui est obtenu avec un seul tir sur la France. On en était là. À se poser des questions. sur l'efficacité des moyens qu'on avait disposés. Alors on a commencé par retirer les fusées du plateau d'Albion, parce qu'on s'est dit là c'est quand même un peu trop visible, on sait où il faut taper. Bon, on a gardé une force qu'on transporte par avion et une autre nucléaire, qui est sous la mer. Pardon, nucléaire dans les deux cas, sous la mer. Alors sous la mer, les avions, on se dit tous, ma foi, on croisera beaucoup les doigts pour qu'ils aient le temps de décoller et d'aller assez loin. Quant aux sous-marins, tout repose sur une chose, le fait qu'ils ne soient pas détectables. S'ils le sont, tout ce que nous avons en mer ne sert plus à rien. On en était là, de se dire, est-ce que nous avons de forts doutes sur le caractère indétectable des sous-marins français? Pardon d'entrer dans la technique, mais c'est d'elle dont dépend la sécurité du pays. Nous avons 4 sous-marins nucléaires qui lancent des sous-marins nucléaires qui tirent des charges nucléaires. Bon, c'est pas 50, hein, donc notre capacité à nous cacher, elle repose sur la mer, pas sur nos sous-marins. Là-dessus, on apprend que les câbles sont des détecteurs. Là-dessus, on se demande si depuis l'espace, on n'arrive pas à voir. Et voilà que se produit un changement majeur, radical, dans tous les systèmes de sécurité dont on ne parle pas, qui est l'espace. L'espace était démilitarisé par un accord que la France a signé et les États-Unis ont signé. Les États-Unis, les premiers, ont décidé qu'ils n'en avaient plus rien à fiche du traité en question et que donc ils ont créé un état-major de l'espace. Tout le monde a compris ce que ça voulait dire, d'autant que, quelque temps auparavant, on a appris que les Chinois avaient tiré sur un satellite, puis que les Américains savaient le faire, et maintenant on sait que les Russes savent le faire. Donc, je ne vais pas entrer plus dans la technique, mais je vais juste faire remarquer ça. Si on est capable de détruire depuis la Terre un satellite, ça veut dire qu'on a la capacité de couper toutes les connexions qui dépendent de ce satellite. Une bonne partie des systèmes de détection et de mise en relation de l'armée française sont liés à l'espace. Et pas que de l'armée française. Donc la dissuasion se passe aujourd'hui dans l'espace. Ben oui. Parce qu'à l'inverse, depuis l'espace, on peut tirer sur la Terre. Je ne veux pas faire trop peur. Et vous, mais vous avez... nous, il suffit. Vous affirmez, pardon, je suis pour une dissuasion spatiale. Oui. Moi, je suis pour que la France... Et pour les armements nucléaires en même temps. Les deux ensemble. Il faut faire les deux. Si vous n'êtes pas une menace, si vous n'êtes pas en état de résister, si vous n'êtes pas en état de faire la démonstration que peu vous chaud, vous n'êtes pas crédible. Comme vous dites, je propose de diminuer les armements nucléaires. Je pense, si vous voulez, avec un peu d'habileté, que la situation comporte une possibilité nouvelle qu'on n'avait jamais eue par la technique. C'est-à-dire de dire, bon, ok, c'est par l'espace que ça passe, puisque depuis l'espace, on peut aussi tirer sur la Terre. Il suffirait d'un tir sur la centrale de Nogent et il n'y a plus de France. Parce que nous serions totalement désorganisés par le déménagement de 12 millions de personnes. 2 tirs, on n'en parle même pas. Donc, nous pouvons, nous, faire la même chose aux autres. Qui affronterions-nous? Si c'est nos voisins, ça va. Je ne vois pas pourquoi on s'affronterait avec eux. Il n'y a rien qui dessine un conflit avec eux. Par contre, ceux qui seraient en état de nous frapper, on les connaît. C'est ceux qui ont la capacité de frapper depuis l'espace. Et donc, on sait aussi comment on répliquerait. Exactement comme il nous ferait à nous. Si vous voulez, nous n'avons plus besoin de dissuasion nucléaire si nous sommes capables, depuis l'espace, d'exercer la dite dissuasion sur les autres. Donc je suis. Mais est-ce qu'on est crédible sur l'espace? Parce qu'on va parler un peu maintenant d'économie et de politique industrielle. C'est un point très important. Là. L'espace en France, la filière, j'ai regardé, c'est 15 000 personnes. C'est quand même une filière d'excellence, mais qui n'est pas très grosse au regard de l'automobile ou de l'aéronautique, mais qui est celle qui tire finalement la technologie vers le plus haut, et on a des scientifiques majeurs. Mais est-ce qu'on a mis suffisamment, qu'est-ce que vous feriez-vous de moyens pour avoir les moyens non seulement de ce volet défense, mais du volet civil, parce qu'on sait que l'avenir du monde se joue en grande partie probablement là-haut. Alors, bon, déjà, votre remarque de départ est très importante. Nous avons une industrie spatiale, tout le monde n'en a pas. Les gens croient que c'est facile de faire une fusée, on allume et puis pchouf, ça part. Oui, c'est vrai, c'est facile, mais ça part comme ça. Donc la question technique a été réglée par nos scientifiques et nos techniciens, c'est la maîtrise des lanceurs. Voilà. Nous avons le 3e port spatial du monde, à Kourou, où nous tirons là de beaux engins, Ariane 5, bientôt Ariane 6, et mais aussi des fusées russes qui sont installés là, et qui font partie, quand vous venez voir Ariane Espace, on vous vend des fusées russes, hein, si vous, pour telle ou telle charge. Et puis, des fusées italiennes. Donc les Italiens sont nos amis, c'est la nation sœur, vous le savez bien, de la France. Bon, déjà, commençons par dire ça. On sait tout faire, d'un bout à l'autre de la chaîne. On sait même faire des missions dans l'espace lointain. Ça a été la fameuse mission Rosetta. Vous évoquez même d'éventuelles missions vers Mars dans le temps. Bah oui, pourquoi on le ferait pas? Bah tu vois, à Toulouse, on a fait le robot sur Mars qui va chercher. Bah oui, et le robot, il est très au point, les caméras sont françaises, l'appareil qui fait le laboratoire est français, bon, les Américains ont fait la fusée, ce qu'on sait faire aussi, et puis sinon, ils ont mis les décalcomanies. On va parler d'argent dans pas longtemps, mais vous mettriez de l'argent, beaucoup d'argent alors, sur cette stratégie. Quand on regarde juste, quand on compare les Américains, parce qu'on dit beaucoup, on est en train de décrocher, les Américains, leur modèle NASA Elon Musk, a produit quelque chose qui n'était pas forcément prévu, mais un entrepreneur de l'espace. Non, je ne crois pas du tout à cette thèse. Mais je termine juste sur la remarque importante que vous avez faite au départ. Vous dites, c'est l'excellence et ça entraîne le reste. Enfin, un discours concret. Parce que le baratin sur l'innovation, alors ils sont là, ils sautillent. Oui, il faut de l'innovation. Et puis alors, Jean Patou et Marie Chantal trouvent ça génial. Mais quelle innovation? Pour faire quoi? Où? Dans quel secteur? Ils n'en savent rien. Il faut innover. Voilà. Tout ça est stupide. Nous avons besoin d'avoir une direction dans laquelle se fait l'innovation. Par la recherche fondamentale, mettez qu'il y ait une équipe qui trouve le moyen de refroidir les déchets nucléaires, on sera les rois du pétrole, même si on n'est que 67 millions. Bon, mettez que l'industrie spatiale continue et joue un rôle plus grand. Elle entraînera le reste de l'économie. C'est pourquoi je suis partisan d'investir beaucoup là. Mais d'abord, je voudrais dire aux Français une chose qu'ils ne savent pas. Ils sont le deuxième peuple du monde pour la cotisation individuelle au spatial. Le deuxième peuple du monde, c'est pas rien. Alors il faut d'abord se débarrasser des mauvais alliés, les Allemands, qui ne tiennent pas parole, ne réservent pas leur placement de satellites aux fusées européennes dans lesquelles ils sont pourtant actionnaires, parce qu'ils éprouvent continuellement le besoin d'aller se traîner aux pieds des Nord-Américains, dont ils sont les alliés et les vassaux. Donc nous avons besoin d'avoir des alliés sûrs, stables, fiables, en l'occurrence les Italiens. Petite parenthèse, à tous ceux qui méprisent l'Europe du Sud, je voudrais rappeler que la deuxième puissance économique, c'est la France. La troisième, c'est l'Italie. La quatrième, c'est l'Espagne. La richesse de l'Europe est produite au Sud, pas au Nord, ni à l'Est. Donc il faudrait qu'on reprenne un peu conscience des réalités. Je reviens sur l'espace. Donc puisque nous sommes si forts, oui, nous organiserons, comme l'avait décidé François Mitterrand en 1993 avec la sonde Rosetta, eh bien nous aurons une expédition sur un objet spatial, parce que nous développerons de cette manière-là nos capacités. Il faut participer à des choses où nous garderons l'autonomie d'un bout à l'autre. Écoutez, si les Émirats arabes arrivent à envoyer quelque chose sur Mars, pourquoi pas les Français et les Italiens ? Pourquoi ça ne serait pas possible? Par contre, il ne peut pas être question de continuer des manœuvres militaires en commun avec des Allemands et des Américains dans l'espace. Et naturellement, je n'accepterai pas, si je suis élu, que reste à Toulouse l'état-major de l'OTAN pour l'espace. Ils iront plus loin, mais pas à portée d'écoute et de grandes oreilles de ce que nous faisons. Donc ça, c'est l'idée, entraînée par l'espace. Alors évidemment, après, il y a des missions dans l'espace, il faut nettoyer un peu. Il faut arriver à passer à travers. Il faut, je l'espère, et j'espère que tout le monde entendra avec sens des responsabilités, qu'il faut qu'on puisse tirer dans de bonnes conditions le nouvel observatoire. Vous savez, on a le plus grand télescope qui a jamais été fabriqué par l'humanité, il va être tiré de courroux en décembre. Il ira, je crois, à 1,5 km, c'est lui qui va être le plus avancé, nous aurons des vues magnifiques sur l'espace. C'est les Français qui font le tir. Voilà. Donc nous ne sommes pas une petite nation, et alors, quant au modèle américain, c'est une vaste blague, mauvaise plaisanterie, tout à fait galéo. Elon Musk n'est pas votre héros. Non, mais attendez, si, il l'est d'une certaine manière, parce que je trouve sympa un type qui est délirant, qui dit je vais faire ci, je vais faire ça. Il veut mourir sur Mars. C'est, oui, oui, je trouve ça. Non, ça me plaît, ça me rappelle les bouquins de fiction, de science-fiction, que j'ai lus à une certaine époque. Ça, et il est très dans le profil, hein. Mais la vérité, c'est que Elon Musk n'existe pas. Il n'existe que par les contrats que la NASA lui passe. Et la NASA, c'est l'État américain. Et l'État américain imprime les dollars et lui suffit. Oui, mais il a eu quand même l'audace de faire ses lanceurs réutilisables, donc d'envoyer des satellites à moindre coût que nous, ce qui pose la question de la compétitivité, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Allemagne. On va trouver une solution. Donc il faudrait qu'on se bouge quand même. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu endormi, c'est ça que vous voulez dire? Non, je ne crois pas. L'Ariane 6 est une merveille technique. Elle va abaisser d'une manière considérable le coût des satellites que nous allons envoyer dans l'espace. Je ne vais pas entrer dans la technique qui, moi, me fascine. On a reporté, allez voir sur place, vous serez enchanté. Bon, Jean-Luc Mélenchon, on va l'envoyer dans l'espace, en tout cas. Pourquoi pas. Vous pourriez être un touriste spatial. Si vous voulez, un touriste, non, parce que c'est un peu trop rapide. Mais si vous voulez vous débarrasser de moi, pourquoi pas m'envoyer sur Mars. Je suis volontaire dans ce cas-là. Non, mais pour parler sérieusement, l'industrie spatiale française avec moi, comme président de la République, connaîtra des développements qu'elle n'a jamais eu jusqu'à présent. Et évidemment, en plus, nous créerons une université francophone de l'espace qui nous permettra d'accueillir toutes les jeunes intelligences du monde francophone, qui est ample et qui est, pour les Français, l'avenir de la France, c'est la locomotive francophone. Hein, c'est-à-dire des centaines de millions, nous serons 700 millions de francophones à la fin du siècle, donc on n'est pas loin du milliard. C'est là que se trouve l'énergie, la vitalité. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières, qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Vous parlez beaucoup de la mer et des océans. Vous avez parlé tout à l'heure de la puissance maritime française. Il va d'ailleurs y avoir le vote en Nouvelle-Calédonie, qui est quand même très important en décembre. Qu'est-ce que vous avez comme idée et aussi comme potentiel de développement économique sur les mers et les océans? Macron dans France 2030, d'ailleurs, on a un peu parlé sur voir si on exploite ou pas le fond des océans, qui est un des points clés. C'est leur grande idée, ça. Non, je suis assez content d'avoir réussi à ramener en politique un débat qui n'existait plus, enfin, réservé à quelques milieux, sur la mer. Bon, avec l'amicale complicité des gens de mer, dans lesquels je compte des amis personnels et des gens que j'admire, alors qu'ils ne sont pas du tout de bon bord politique et qu'ils n'ont pas l'intention de changer d'avis. Mais on a en commun cette passion, la vocation française dans les mers. Alors la situation française est déplorable. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Sous Lionel Jospin, la France s'est accrue de 10% de son territoire sans tirer un coup de fusil. C'est quand même une remarquable réussite. Mais nous avons, pour garantir et assumer nos responsabilités sur cet ensemble, l'équivalent de 2 voitures de police pour tout l'Hexagone. Hein, voilà à peu près où on en est. Donc c'est une situation déplorable. C'est d'autant plus dommage que nous sommes confrontés à 2 questions. La première, c'est qu'il n'existe pas de droit sur les grands fonds. Alors comme nous sommes le deuxième territoire, ça veut dire que notre plus grande frontière, c'est avec personne. D'accord ? C'est-à-dire des endroits où chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, ça ne nous est pas égal que chacun fasse ce qu'il veut dans ces endroits-là. Parce qu'à la première marée noire, personne n'est capable de reboucher les trous. Vous l'avez vu dans le golfe du Mexique, quand le truc a sauté, on a 8 mois pendant lesquels tout ça s'est déversé sur les côtes. Si nous prenons la situation en Méditerranée, autant dire qu'on ne peut pas être d'accord avec le fait qu'ils aillent faire des trous pour trouver du gaz ou du pétrole au large de Chypre ou de Gaza. On ne peut pas être d'accord avec ça. La mer Méditerranée met 100 ans à se renouveler. Donc là, on va dire, attendez, on discute d'abord. Vous faites pas les trous là où vous voulez, qui c'est qui va les reboucher? Vous êtes capable de les reboucher s'il y a un problème? Non. Alors donc, vous ne creusez pas tant que nous n'avons pas la garantie qu'on est capable de faire face à un accident. Et c'est vrai pour toutes les mers du monde. Donc, une de nos premières tâches, ça va être de remettre tout ça sur la table. Après, ça nous amènera à qu'est-ce que la puissance? Dès lors que la France est capable de se protéger toute seule, c'est pas très difficile, c'est pas le plus difficile, alors elle n'a plus besoin de faire des démonstrations de force. Et elle peut être une puissance qui a de la puissance par son autorité morale, en prenant en charge des tâches d'intérêt général pour l'humanité, telles que la protection des océans. Et nous, Français, il va quand même falloir fabriquer quelques bateaux, hein, et même plutôt pas mal de bateaux. Vous allez être le meilleur ami des chantiers navals. Ça va de soi, puisqu'on en a. Tout le monde n'en a pas. Nous avons on a failli les perdre. On a failli en perdre la propriété. Cela dit, vous ne transbahutez pas une forme de 90 mètres de long. Alors, c'est vrai que les Italiens avaient des chantiers en Chine et qu'on avait des raisons de se méfier d'eux, mais il y a toujours moyen de s'entendre avec les Italiens. En attendant, le chantier naval, il est là. Et c'est là qu'on va fabriquer ce dont on a besoin. Je vais vous donner un exemple tout bête, qui vous paraîtra moins exotique que d'aller couvrir la mer autour de la Polynésie française. Encore que, la Polynésie française s'étend sur un territoire aussi grand que l'Europe. Bon, mais est-ce que vous trouvez normal qu'on ait un bateau pour aller dans les terres australes françaises? Vous savez que la France est possessionnée, comme on dit, au pôle sud. Bon, on a un bateau. On n'a pas de brise-glace, on a un bateau. Alors il tourne tantôt pour l'armée, tantôt pour la recherche scientifique, et le troisième, j'ai oublié qui c'était, mais enfin, il y en a trois qui sont copropriétaires de ce bateau. Et l'ancien bateau, qu'est-ce qu'on en a fait qu'il y avait jusque-là? Parce que le nouveau est très beau, il a été fait sur les chantiers Piriou en Bretagne. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a vendu à une ONG, qui elle-même fait le travail de recherche et d'inspection. Donc nous avons besoin de plusieurs bateaux pour les terres australes françaises, il nous faudrait un brise-glace. Je prends que cet exemple, que quelqu'un vienne me dire « Non, monsieur Mélenchon, on n'a pas besoin ». Alors si on n'a pas besoin, qu'est-ce qu'on fout là-bas? Vous pouvez me le dire. Nous n'avons pas une base scientifique permanente, si, même deux. Donc il faut renouveler tout le matériel. Tout! Ben, faut le faire. Il n'y a plus qu'à. Et ça a coûté beaucoup d'argent, tout ça. Oui. C'est comme quand vous expliquez qu'il faut une bifurcation écologique, vous voulez un plan d'investissement de 200 milliards d'euros. Oui, c'est pas beaucoup, 200 milliards, d'ailleurs. Au regard des besoins. Oui, au regard des besoins. Mais la somme elle-même... En gros, vous trouvez cet argent comment? Ben, c'est pas très difficile non plus, puisque nous avons une banque française qui dépend de l'État, la BFI, elle-même a une licence bancaire, elle peut donc s'approvisionner auprès de la Banque Centrale Européenne. Ben, emprunte-t-on à cette banque. Et on sera dans le circuit européen. Mais on peut emprunter à d'autres, parce que pour l'instant c'est plutôt intéressant, il faudra en emprunter un paquet, puisque c'est pratiquement les gens qui nous prêtent qui payent pour nous prêter. Le taux actuel, c'est 0,1, et l'inflation, c'est, on va prendre un chiffre bas, 3. Ça va, non? C'est une bonne situation, c'est le moment de s'endetter jamais. Enfin, ça pourrait changer, du coup. Si l'inflation restait à ce niveau-là, les taux vont pas rester à 0,1. Eh ben oui, peut-être bien, mais si on passe son temps à avoir peur, on ne fait rien. Donc, attendons de voir la situation évoluer. Vous connaissez ma réflexion de fond sur le sujet de la dette. Je pense que personne ne la paiera jamais. Mais restons sur le niveau où on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la dette de la France n'a jamais été aussi importante depuis je sais pas combien de temps, peut-être l'Ancien Régime, et on n'a jamais payé aussi peu, parce que c'est la seule chose qui compte avec une dette, c'est la charge qu'elle vous impose, c'est pas les chiffres. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que les idéologues du camp d'en face se sont dit « on va pas continuer comme ça, il faut leur faire peur ». Donc ils ont inventé une règle qui est le rapport entre la dette et la richesse produite sur un an, qui est une règle ridicule, amusante. Imaginez-vous qu'on calcule votre situation en prenant toute votre dette, si vous avez acheté votre appartement, votre voiture, hein, vous êtes endetté, et au lieu de regarder ce que ça vous coûte tous les mois et si c'est supportable compte tenu de votre paye, hein, non, on dira, bah là, ça représente 200, 300 fois votre paye annuelle. Vous êtes mort, vous appelez le SAMU et puis vous avez une crise cardiaque instantanément. Et c'est ça qu'on fait aux nations. Non, la France est en moyenne endettée sur 7 ans, tous ces titres de dette. Ça vous fait du à peine 12% de la richesse produite dans une année. C'est code. Et la preuve, c'est que tout le monde court après les titres de dette français. Il y a une agence de notation qui a voulu faire les malins sous Hollande à un moment donné, en baissant la note pour dire, ben tiens, on va leur faire le coup de Papandréou et de la Grèce qu'ils ont ruiné. Vous vous rappelez qu'on a pris des mesures pour s'assurer du sérieux, de la gestion, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mémorandum ceci, mémorandum cela. Eh bien, tout ça a commencé en 2010. Nous sommes en 2022, où en est-on ? La dette grecque a, je crois, plus que doublé. Par conséquent, tout ça, c'est du bobard, du vent. C'est de la gesticulation et pas du sérieux économique. Le sérieux économique, c'est d'être capable de payer tous les mois ce qu'on doit. Moi, je trouve que c'est excessif et qu'on peut le réduire. Comment ? On discute avec la Banque Centrale Européenne. Je vous demande vraiment de noter ce que je dis comme un engagement. Personne ne paiera jamais cette dette. Elle est trop élevée. Et par conséquent, il ne vous reste pour vous en débarrasser que de rembourser. Mais à ce compte-là, il faut carrément couper la gorge à l'État. Plus de services publics, c'est d'ailleurs ce qu'ils essayent de faire, hein. On se retire de la santé, de ceci, de cela. Ou bien vous avez l'inflation, et si possible à un haut niveau. Si vous arrivez à 10% d'inflation, c'est pas mal. En 10 ans, il n'y a plus de dette. Hein. Bon, ça s'est fait après la guerre. Ça s'est déjà vu. Troisième hypothèse, vous faites la guerre, parce que vous détruisez beaucoup et vous fabriquez beaucoup. Ça s'est déjà vu. Et puis sinon, vous faites le pire de tout. Vous appuyez sous le bouton et vous dites, vraiment, j'adorerais vous payer, mais je peux pas. Alors, au revoir. Poc, banqueroute. Ça, c'est pour les États. Le secteur le plus dangereux, c'est pas la dette de l'État, puisque tout le monde sait où il habite, et la France s'en ira pas, elle sera toujours là. Tandis que la dette privée, c'est une autre paire de manches. Alors, elle fait plus que la production, la valeur de la production d'une année. Et quand une grande entreprise endettée ferme parce qu'elle a trop de dettes, c'est fini, tout simplement. Vous récupérerez jamais votre argent. Par conséquent, il y a une erreur, c'est où est le principal danger. Et si le principal danger, c'est la dette privée, il faut que vous ayez un acteur public capable de prendre la relève si jamais ça tourne mal. Donc, si vous vous occupez pas de savoir à quel niveau est la dette publique, vous pouvez pas venir à la rescousse si la dette privée vous écrase. On va prendre un exemple actuel. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais, si c'est moi le président de la République ? Quand on arrive au bout des prêts garantis par l'État, et qu'il se trouve qu'il y a X entreprises qui ne peuvent pas payer, c'est l'État qui garantit, non ? On peut dire, écoutez, c'est une erreur. Non, on ne garantit pas. Donc vous pouvez vous écrouler. Tout s'écroulerait en cadence, en domino, donc on paiera. Vous voyez pourquoi vous avez besoin d'avoir un acteur public qui soit prêt à réparer la seule chose que le capitalisme sait bien faire, c'est des dettes, parce qu'ils en font partout, parce que l'économie mondiale est un système de dettes, parce que partout, on ne se soucie plus de la rentabilité dans la sphère financière que dans l'économie réelle. Voilà ma position. Donc je dis une chose simple, la dette Covid, elle est aujourd'hui pour l'essentiel, la valeur, pas la dette elle-même, la valeur est dans la caisse de la Banque Centrale Européenne. Je ne cesse de dire, cette dette-là doit être annulée. À qui ça coûte ? À personne. À personne. Il n'y a pas un investisseur privé qui serait floué. C'est dans la caisse de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est, comme tout le monde le sait, un prêt de la Banque Centrale Européenne ne recouvre aucune valeur matérielle au départ. Il vous prête, vous construisez une maison, pour dire, c'est pas une maison, mais vous construisez, il y a une valeur en face du signe monétaire. Donc là, vous avez le titre de dette, il est à la Banque Centrale Européenne, on le met à la poubelle. Alors si, pour vous rassurer, on va mettre perpétuel et à taux zéro. Tout ça, c'est du baratin, mais ça permet que ça reste dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. C'est un peu ce que dit Christine Lagarde, parce qu'elle dit qu'elle ne remontera pas les taux de sitôt. Donc elle revient finalement, elle fait du mélenchonisme. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je suis sûr d'une chose, c'est que... C'est ce qu'elle a dit. Oui, en attendant, nous, on pourrait aussi décider de ne pas payer. Alors, pour revenir sur l'écologie... Vous n'avez pas fait attention à la fin de ma phrase, là. Si. D'accord ? Moi, je suis pour la dissuasion. Dans l'espace et aussi sur Terre. Si nous devions être pris à la gorge, la France d'abord, la dette après. Et je rappelle que nous disposons, nous aussi, d'une arme extraordinaire qui est de dire, nous ne pouvons pas payer. Moi, je ne suis pas Tsipras. Tsipras a choisi de céder, alors qu'il était en état, du fait du mécanisme européen de stabilité financière, de se faire respecter. Il ne l'a pas fait, c'est son affaire. Mais s'il avait dit, mesdames, messieurs, je ne peux pas payer... Eh bien, la banqueroute grecque coûtait 45 milliards à la France et 65 aux Allemands. Vous imaginez que les Allemands vont aller donner 65 milliards ? Ils se seraient traînés à genoux dans le couloir pour que M. Tsipras revienne à la table et discuter avec eux. Pardon, j'utilise des formules imagées, mais c'est pour dire qu'il faut arrêter de croire que l'économie est seulement une science. C'est un rapport de force, c'est un rapport social. De toute façon, ça, on ne le saura pas, sauf à le vivre, et on n'en est pas encore tout à fait là. Revenons sur les investissements de la transition écologique. Vous êtes pour une planification écologique, Marc en a parlé un peu tout à l'heure. La question de son financement, évidemment, est clé. La question aussi de cette méthodologie, on aimerait en savoir plus comment vous y prenez. Qu'est-ce que ça veut dire, la planification écologique? Quand vous voyez que vous allez devoir embarquer, bien sûr, du point de vue de l'État, mais tous les acteurs, les citoyens, les consommateurs, les entreprises. C'est quoi cette planification? Vous avez un ministère de la planification? Comment ça fonctionne? Alors, bon, commençons par dire que le mot planification a été choisi à dessein pour que ce soit un mot au but. Hein, ça fait parler. Au début, ça faisait beaucoup parler. Maintenant, c'est devenu plus banal. Hein. Mais alors, on me répondait, c'est le Gosplan. François Bayrou s'occupe du plan maintenant. Oui, Bayrou s'occupe du plan. De Gaulle a créé le plan. On voit bien qu'il n'a pas de, il n'a rien de soviétique. Mais bien sûr. Rien de... Mais si vous voulez, c'est surtout. Après, c'est qu'est-ce qu'on met dans le plan. Bien sûr. Et comment on l'applique. En plus, c'est le capitalisme qui a inventé le plan, c'est pas les socialistes. Ils n'avaient aucune idée sur la manière de gérer l'économie planifiée. Alors, le soviétique. Plan, non, mais plan, je le dis parce que c'est amusant de disperser un peu d'ignorance. Les gens qui croient que le plan est une invention des soviétiques se fourrent le doigt dans l'œil. C'est Ford qui a inventé la planification. Alors, j'aurais pu appeler donc ça... Donc, pourquoi un plan et qu'est-ce que ça... Comment parce qu'on a besoin, pour un changement pareil, de visibilité. Vous ne pouvez pas dire, bah écoutez, chacun fait comme il le sent et moi, l'État, je fais comme ça. Non, il faut associer tous les acteurs. Je ne suis pas partisan d'une... Dans le cadre d'un mandat... De 5 ans, je ne suis pas partisan de la collectivisation de tous les moyens de production, c'est pas ma position politique. Ce qui est décrit dans ce programme, c'est une économie mixte. Alors les uns vont trouver ça insuffisant, et les autres vont trouver que c'est déjà trop. C'est l'économie mixte. Donc, il faut donner de la visibilité à l'entrepreneuriat privé, et aussi à l'État. Donc il va engager des dépenses, et on va le faire, évidemment, par secteur. Il y a des priorités. Si on veut réduire le recours aux énergies carbonées, si on veut se battre pour un traité de non-prolifération des énergies carbonées, ben, il faut passer à autre chose. Mais cette autre chose, c'est pas, on ne claque pas dans les doigts, il faut le fabriquer. Alors il faut faire des éoliennes en mer, parce que sur Terre, c'est des histoires à n'en plus finir. Il nous faut utiliser la géothermie, il nous faut travailler sérieusement à utiliser la puissance de l'océan. Je trouve incroyable qu'on n'en parle jamais, mais il y a plusieurs plans d'autonomie où c'est comme ça. Vous savez où est la plus grande clim du monde? Elle est en Polynésie française, c'est un système qui prend l'eau froide, qui joue avec l'eau chaude, tout ça, plouf, dans la mer, et ça sert pour un hôpital très important. Donc on sait le faire. De même que les machines qui utilisent la houle, on sait le faire. Dans la mer, vous avez 44 fois la puissance dont on a besoin sur Terre, donc ça va. Ou 60 fois, je ne me rappelle pas le chiffre exact, une fois c'est un 4, une autre fois c'est un 6, pour la France c'est 4 fois, donc ça va, il y a de la réserve. Et puis, il y a les fleuves, l'eau qui coule de partout, dans toutes les rivières de France, et puis combien d'autres. Donc, les hydroliennes sont des machines, il faut fabriquer tout ça. Vous avez déjà une entreprise qui transforme les anciens moulins en petites centrales électriques. Et puis, il y a les techniques de demain, je dis à EDF, et je leur répète, que nous sommes un certain nombre à surveiller ce qu'ils font, parce qu'ils avaient une chaîne, ils avaient fabriqué la première chaîne de panneaux qui fonctionne à la luminescence. Vous n'avez pas besoin de soleil. Il suffit qu'il fasse jour. Hein. Ils ont fermé cette chaîne et les brevets, je les tiens à l'œil. S'ils les vendent à quelqu'un, on verra qui a vendu et à qui. Et je rappelle qu'il existe dans le code pénal de quoi punir ceux qui trahissent les intérêts de la nation, etc., etc. Je le dis pour créer une ambiance de travail. La rigolade est finie, si c'est moi qui m'en occupe. Hein. Donc, on va développer tout ça. Et c'est comme ça, je parle de l'exemple... Et on sort du nucléaire. Ah ben bien sûr. Pour changer, parce que si vous dites je mets les investissements là, ouais. Vous dites je les mets pas là. Donc nucléaire, non. Pour vous, c'est une extinction... C'est une énergie du passé. Alors, quand on l'a fait, c'était bien. C'était bien, puis on ne va pas jeter la pierre à ceux qui l'ont fait, ça a été fait de manière... remarquable. On a fait évoluer les brevets américains parce que le point de départ, c'est des brevets Westinghouse. Donc, on a changé tout ça. Très bien. Tout ça a marché un temps. Maintenant, on est arrivé au bout. On a 17 centrales qui ont déjà dépassé les 40 ans pour lesquelles elles ont été construites. Donc là, vous êtes en zone de risque. Ou alors, on nous mentait avant quand on nous disait 40 ans. Ou bien c'est après qu'on nous ment quand on nous dit elles peuvent encore rester. Et puis, on nous dit que ça coûte 80 à 100 milliards le grand recarénage. Les chiffres sont assez contestés. Hein. Et EDF dit 50 milliards. Oui, c'est 50, vous dites 100. Bon, après, ça fait beaucoup de milliards. Ça fait beaucoup de milliards. EDF n'a pas intérêt non plus à trop charger la mule, mais... Oui, ça alourdit son bilan, c'est sûr. Bah, c'est clair. Et surtout que là, on parle du recarénage et des déchets. Apparemment, tout le monde s'en fout des déchets. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand même, c'est ce qui est plus problématique. On les a sur les bras pour 10 000 ans ou 20 000 ans. Bon. Et les incidents, on dit non. Mais même les responsables de l'énergie nucléaire, qui eux sont pas des fous, disent, écoutez, nous, on vous dit pas qu'il y a aucun risque. Parce que c'est pas vrai, ça existe pas. Mais si vous avez 1% de risque, même 1, je suis sympa. Le jour où le risque a lieu, c'est 100% de dégâts. On va prendre un exemple. Gravelines, s'il y a un problème. Faut quitter Calais et Dunkerque pour 10 000 ans. Ça va? 10 000 ans, c'est raisonnable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas sérieux, oui, mais d'ignorer si on des dangers pareils. Si on vit avec ce danger depuis 40 ans, pratiquement. Si on fait ce que vous dites, est-ce qu'on n'a pas un risque, simplement, de se retrouver avec ce qui est en train de se produire en ce moment, une explosion du prix de l'électricité, ou alors on va rallumer des centrales carbonées? On n'a pas aujourd'hui installé, alors c'est toute la problématique de la soudure, oui. La capacité d'énergie renouvelable avec la capacité de stocker cette énergie qui est intermittente, oui. Qui apporte le même service au même prix que le nucléaire. Oui. Alors, maintenant, on est au moins tranquille sur un point, c'est que, à tarif actuel, les énergies alternatives coûtent moins cher que le nucléaire. Mais même ça, je le laisse de côté. Vous dites faire la soudure. Voilà, je réponds à votre question, c'est à ça que sert la planification. Il est évident, on me dit, vous voulez fermer ça en combien de temps? Ça dépend de l'urgence. Si c'est urgent, c'est en 5 heures. On appuie sur un bouton et ça s'arrête. C'est pas ça qu'on va faire. Bon, c'est pas ça qu'on va faire. Mais vous arrêtez. Vous êtes obligé d'arrêter certaines centrales, que ça vous plaise ou pas. D'abord parce qu'elles ont dépassé l'âge et qu'on fait toujours rien. Que le chef de l'État a inventé qu'il allait mettre des EPR partout. Mais un, ça marche pas, ça coûte plus cher et aucun délai n'est tenu. Et puis ces mini-centrales, attendez que les Français aient compris qu'on leur enlève les éoliennes pour leur coller des mini-centrales, vous allez voir comme ils vont être contents. Donc ça n'est pas raisonnable. Alors il faut remplacer progressivement, mais il faut remonter les manches pour que ça soit rapide. Les premières centrales qu'il faut fermer, c'est celles qui sont au-dessus des grandes villes. Je pense à la centrale de Nogent qui est au-dessus de Paris, à celle du Blayais qui est au-dessus de Bordeaux, peut-être sans doute aussi à celle de... etc. Et puis la plus vieille, le Bugey. Le Bugey, c'est Lyon et Genève. Les Suisses sont sympas, ils, à intervalles réguliers, ils protestent, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et les déchets nucléaires est aussi un problème gigantesque qui n'est pas chiffré honnêtement. Alors, je réponds à votre question, il faut donc que la nouvelle énergie remplace progressivement l'ancienne. Il n'est pas question d'arrêter de tomber dans le noir. Par contre, je vais vous dire, ceux qui comptent sur le nucléaire en disant les énergies alternatives, elles sont intermittentes. Ah, mais ça, c'est des histoires. Tout le monde sait qu'il y a la nuit et le jour. On est au courant, merci. Mais qui va dire que, dans le cadre du réchauffement climatique, le refroidissement des centrales nucléaires se présente tout autrement? On a connu une situation où 4 réacteurs sur 10 ont dû être mis à l'arrêt, parce qu'on avait la conjonction des réparations pas faites à cause de la Covid et du réchauffement de la flotte. Mais sur ce mix énergétique, dans le prochain mix énergétique que vous proposez, la place du gaz, c'est une énergie de transition, et par ailleurs, concernant le gaz, on se retrouve de nouveau sur la question de l'indépendance de la France par rapport à nos éventuels fournisseurs, notamment en partie la Russie, pas que. Mais voilà, en gros... Le gaz, soit il viendrait de la Russie, soit il viendrait des États-Unis par bateau. Donc, je pense qu'il est utile d'éviter de se faire peur exclusivement avec les Russes, qui ont toutes sortes d'intérêts partagés avec nous, en oubliant les chères livraisons des États-Unis d'Amérique. Parce que je vous rappelle que les seuls qui nous aient menacés jusqu'à présent, c'est les États-Unis. Car lorsque nous avons refusé d'aller faire leur stupide guerre du Golfe la deuxième fois... ils ont décidé des mesures d'embargo contre les Français. Alors, tout le monde s'est dépêché de parler d'autre chose, mais en quoi ça a consisté? Embargo sur les pièces militaires. Notre porte-avions n'avait plus de lanceur, vous savez, la catapulte. Les pièces sont américaines. Donc, eux, ils considèrent que... vous imaginez qu'une catapulte en renouvelle beaucoup, parce que ça s'use, hein. Ils ont décidé qu'ils nous les filaient plus. Donc, plus de porte-avions, donc plus de force aéronavale, etc., etc. Donc sur le gaz. Le mieux, c'est de se débrouiller sans personne, chaque fois qu'on peut. Alors, on ne peut pas toujours, et on ne peut pas tout le temps. Mais progressivement, on fait ce qu'il faut. Si on a plus d'hydroliennes et d'éoliennes offshore en mer, il n'y a plus de Russes et il n'y a plus d'Américains qui viennent nous dire ce qu'on doit faire. Et puis c'est vrai... C'est aussi si l'argument en faveur du nucléaire, ça. Non, parce que c'est... Au Kazakhstan et au Niger près, c'est vrai. Mais... excusez du détail. Non mais pardon. J'essaie d'être honnête. Mais vous l'êtes, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour une fois on entend quelqu'un dire oui, c'est pas tout à fait vrai. Bon, d'habitude on nous jette ça à la figure, l'indépendant. Vous avez vu comme au Niger les choses sont simples? Vous êtes au courant qu'il y a une colonne française qui est bloquée là-bas? Alors elle a réussi à sortir du Burkina, mais elle n'arrive pas à entrer au Niger. Et après vous venez me dire qu'on est indépendant, mais à quel prix? Supposez que les Nigériens, un jour ou l'autre, les habitants du Niger décident que, décident que c'est insupportable, que ces Français viennent chercher l'uranium, qu'il n'est pas exploité dans de bonnes conditions. Que sais-je? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a de l'uranium ailleurs, après. Voilà, chez un tyran. Et on a été obligé de repeindre le tyran en ami de la France, alors qu'il est dénoncé par toutes les ONG du monde, toutes sans exception, de tous bords, hein. Et que notre président de République, Monsieur Hollande, a été obligé de se déguiser avec un chapeau en moumoute et un manteau, parce que l'autre lui avait dit, vous allez mettre ça parce que vous êtes joli avec. Donc, il n'y a pas pour nous forme plus simple qui nous a été faite ce jour-là de démonstration qu'on dépendait de quelqu'un, qui pouvait nous imposer ce qu'il voulait, y compris de nous déguiser. Donc, je demande qu'on arrête avec des arguments qui n'en sont pas. Nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas hors changement climatique avec le nucléaire. Ce n'est pas vrai. Donc la raison veut qu'on fasse les choses dans l'ordre. Et c'est pour ça que je parle de planification. Pour les patrons et pour les industries, moi je suis une affaire formidable. Parce que avec moi, au revoir les aléas du marché, au revoir les changements d'avis d'un jour sur l'autre des spéculateurs, vous tombez sur un gars qui vous dit « on va faire ça pendant 10 ans ». On va donc produire X machines à produire de l'énergie. Et donc, vous pouvez investir là-dedans parce que ça vaut la peine. Parce qu'il y a un marché garanti pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans. La durée de vie d'une machine aujourd'hui, le cycle, c'est 5 ans. Chouïa, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Formidable. Et que moi, vous savez à quoi ça sert d'investir. Parlons un peu d'Europe, parce que vous avez critiqué tout à l'heure l'alliance avec l'Allemagne en disant qu'il y a une alliance avec le sud de l'Europe qui peut se faire. Néanmoins, quelle vision vous avez de l'Europe aujourd'hui, Europe puissance? Est-ce que, notamment sur ces sujets de transition écologique, on travaille beaucoup avec les Allemands sur les batteries, sur l'hydrogène, etc. Vous y croyez? Vous, président, vous pensez qu'on peut maintenir ces alliances? Airbus aussi, il y a évidemment ces questions-là dans l'aéronautique. Ou pas, vous avez dit sur le spatial, on ne peut pas leur faire confiance. Moi je suis pour la coopération internationale, donc je ne peux pas te dire, je ne m'intéresse pas à une coopération qui existe. Hein. Cependant, l'Europe s'est mise dans une impasse toute seule. Personne ne l'y a mis. Elle s'est mise dans une impasse avec des traités qui lui imposent un régime unique, concurrence libre et non faussée, entre les États membres et avec le reste du monde. Par conséquent, la suite du piano mécanique est connue. C'est la destruction des services publics. Regardez, par exemple, ce que je viens de vous dire sur la planification. Si, par exemple, je décide que, ce que je ferai, nous allons aller à la souveraineté alimentaire. Donc ça veut dire, en France, retourner à l'agriculture vivrière, pas au truc industriel. Bon, il faudra bien qu'on crée un marché. Il faut bien que ceux qui font ça soient certains de le vendre à quelqu'un. Si nous décidons que toutes les cantines de France sont en bio et approvisionnés sur le marché local, vous tombez sous le coup de décisions des traités européens qui l'interdisent, parce que c'est contraire à la concurrence libre et non faussée. De la même manière, si nous interdisons maintenant même les glyphosates, je ne ferai pas la bêtise qu'on a fait à un moment donné avec les cerises, où on a interdit l'utilisation d'un pesticide, les autres ont dit, vous faites ce que vous voulez, nous on vous vend des cerises qui coûtent moins cher, parce qu'on y va à mort sur les pesticides. Donc nous interdirons l'entrée en France des produits qui contiennent du glyphosate. Tout ça, ça va donner des tensions. Nous demanderons l'opt-out, qui est une version qui existe dans les traités européens. On sort de l'application du traité. Alors évidemment, quand c'est la France, c'est la deuxième puissance, il est temps de s'en rappeler, du continent. Et donc, il faudra parler, on parlera, on discutera, et on essaiera de trouver une solution. Mais ce que je dis, c'est que quoi qu'il arrive, le programme qui aura été décidé s'appliquera. Et il sera au pouvoir de personne de nous empêcher de le faire. À part des Français eux-mêmes, s'ils décident par le biais d'un référendum que Mélenchon doit rentrer chez lui, parce qu'il y a un référendum révocatoire. Si vous avez en face de vous une Allemagne avec une nouvelle coalition, peut-être plus, correspondant peut-être mieux à ce que vous pourriez vous allier avec eux, il y a les Verts, ils ont aussi besoin d'une planification écologique. Ah oui, c'est clair qu'ils ont besoin de faire de la dépense publique. Les Allemands sont... Ils augmentent les salaires, même. Oui, c'est très bien, parce que il était temps. Est-ce que finalement le monde tel qu'il est en train d'évoluer, notamment l'Europe, ne rend pas plus possible votre programme n'aurait pu l'être dans le monde, le paradigme d'avant 2017, quand vous arriviez avec la hausse du SMIC, tous les patrons disaient vous tuez l'emploi. Aujourd'hui, on a l'impression. Et puis même les syndicats allemands disaient tant mieux. Les syndicats allemands disaient c'est bon pour moi. Est-ce qu'on est dans un momentum cause de la crise Covid. Les plans d'investissement aux États-Unis. Les États-Unis augmentent aussi leur salaire minimum. Les Nord-Américains font aussi. Mon changement d'attitude. Est-ce que votre changement d'attitude s'inscrit dans ce nouveau. Diagnostic d'un changement. Si vous voulez, je n'ai plus besoin. Je me suis toujours situé. Plus besoin de vous énerver, en fait. De m'énerver, si, ça vaut la peine, fois, il y a deux. Mais de faire peur, alors. Voilà. Mais, vous savez, pour régler définitivement cette question, si on peut. Je ne suis pas un énervé. Je tiens compte des rapports de force que je peux créer. Et j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet de la manière de créer des rapports de force, y compris quand vous êtes le plus faible. La France, il y a 10 ans, n'était pas la plus forte. Comment vous faites ? Vous n'avez qu'un moyen, c'est que les gens soient absolument persuadés que vous irez au bout de ce que vous comptez faire. Et à ce moment-là, ils réfléchissent et se disent, celui-là, il ne va pas céder en 48 heures, comme en Hollande, il ne va pas céder en 48 heures comme un Tsipras, il vaut mieux faire attention parce qu'il est capable de faire ce qu'il a dit. Et en effet, j'en suis capable. Je n'ai pas d'attache avec cet ordre du monde, avec ce système. Je n'ai pas de sympathie pour lui, parce que je le trouve violent, brutal, et s'il venait à prendre fin, ça ne me chagrinerait pas. D'autres, si. Il y a des gens qui disent, vous êtes fous, c'est magnifique comme ça, c'est grâce à ça qu'il y a de la découverte. Ce n'est pas mon avis. Alors, c'est vrai que l'ordre du monde est plus simple pour les thèses que je soutiens. C'est la raison pour laquelle, sur la question européenne, après avoir longuement discuté avec beaucoup de gens autour de moi, nous sommes revenus à une attitude qui disait « si on en fait un sujet idéologique, on a perdu d'avance. Parce que ça fonctionnera jamais, c'est une discussion abstraite, le ton va monter inutilement. Si on prend par la méthode de l'opt-out, on est dans une crise positive, c'est-à-dire je pose un problème et on essaye de le régler. » Il y a un cas où ça ne se réglera pas, c'est si vous me demandez de renoncer à mon programme. Parce que, contrairement à ce qu'a dit M. Juncker une fois, il avait dit « il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités ». C'est-à-dire qu'on ne peut faire aucun compromis avec Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est un peu ce que la gauche vous reproche, Hollande. Moi, j'aimerais bosser avec Mélenchon, mais en fait, on ne peut jamais faire de compromis. Est-ce que vous n'avez pas besoin? Est-ce que vous êtes sincère quand vous dites jamais ça sera comme ça? Vous êtes dans une position de rapport de force ou à un moment donné vous seriez mais prêt? Mais tous les syndicalistes du monde comprennent mon attitude. J'ai jamais entendu quelqu'un entrer dans une négociation en disant vous souciez pas, je vous céderai en cours de route. Ça n'existe pas. Voilà, c'est ceux qui décident. Mais il y a bien une négociation pour qu'un compromis possible. Mais par la force des choses, on négocie. Mais si vous voulez, je n'ai pas l'intention de renoncer à l'indépendance militaire de la France. Je n'ai pas l'intention de renoncer à notre programme spatial. Je n'ai pas l'intention de renoncer à la souveraineté alimentaire. Voilà, qui va m'obliger à dire ah non, Monsieur Mélenchon, vous allez obliger les Français à manger des légumes pleins de glyphosate, ça vous fait un bien fou. Et puis vous continuerez à laisser rentrer des produits qui sont sursucrés et qui rendent malade tout le monde du diabète, parce que c'est vous avez qu'à faire comme tout le monde, enfin, vous n'êtes pas capable de compromis. C'est ça qu'on me dit. Eh ben alors si c'est ça, alors la réponse est non. Mais je pense que les gens sont plus raisonnables, ils essaieront de trouver une pente dans laquelle ils y trouvent leur compte. Quant à la coalition allemande, son principal défaut est d'être allemand, si j'ose dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne s'intéressent qu'à eux, c'est normal. Madame Merkel, moi je n'ai aucun reproche à lui faire. Elle a défendu la position politique de la droite allemande et elle a été élue pour ça. La question bizarre, c'était quand on élisait des gens de gauche en France qui faisaient la politique de la droite allemande. Bon, là il y avait un problème. Aujourd'hui donc, vous avez un accord de gens avec qui on n'est pas d'accord. Par exemple, on parlait de la défense tout à l'heure, ils disent la défense c'est l'OTAN. Bon, ben, très bien, c'est pas notre avis. Ils disent les pesticides... autant que de besoin. Ah ben non, on connaît cette formule, ça veut dire que vous allez en mettre partout, vous allez continuer comme avant. Et je pourrais prendre comme ça quelques exemples. Qu'est-ce qui est bon pour l'Allemagne de demain? La première, c'est qu'elle règle son problème démographique, puisque eux-mêmes titrent dans leurs journaux qu'à ce rythme-là, il n'y aura plus d'Allemagne, parce qu'il n'y aura plus d'Allemands. La dénatalité en Allemagne est un problème immense. Donc comment faire? Alors sauf à forcer les gens à faire des enfants, je ne sais pas très bien comment on fait un truc pareil, ils n'ont qu'une solution, intégrer des gens qui arrivent chez eux et les transformer en Allemands, comme nous-mêmes nous le faisons. Les Français, ben nous, ça fait 2 siècles que nous exerçons le droit du sol, et eux, c'est le droit du sang. Ben maintenant, il faut qu'ils changent. Ils iront vers la position française. C'est pas nous qui allons aller vers la position allemande, n'en déplaise à des Zemmour et compagnie. Voilà. C'est un exemple. Deuxièmement, il faut qu'ils s'occupent de leurs infrastructures matérielles. Les ponts, les routes, tout ça est en état désastreux. En Allemagne, qui fait des économies sur tout. Bon. Et s'ils faisaient ça, à ce moment-là, ça revitaliserait l'économie européenne. Un grand plan de relance européen. Il faut que eux commencent et le fassent chez eux. Donc on leur demande pas de venir faire nos routes. Ils sont tellement arrogants qu'on a entendu Madame Merkel un jour dire « Il n'y a pas de raison qu'on travaille nous pour payer les retraites du Sud, mais on vous a rien demandé. Les retraites du Sud, on se les paye tout seul, on n'a pas besoin de l'Allemagne pour se les payer. » C'est donc une accusation purement gratuite et méprisante à l'égard de l'Europe du Sud. Les Allemands doivent maintenant être plus soucieux des autres. Et ils ne se sont occupés de personne quand ils ont décidé de faire la réunification. Ils ont augmenté leur taux d'intérêt d'une manière absolument inouïe. Et nous, Français, à courir derrière, on s'est fait étrangler. Ça nous a coûté un fric fou, cette histoire-là. Ils ne s'occupent jamais de personne. Ils décident, quand ils arrivent quelque part, vous êtes certains qu'ils vous prennent tout. Ils rentrent dans Airbus. Aussitôt, ils n'ont qu'une idée. Transformer ça. Vous savez qu'on ne pourrait plus faire Airbus aujourd'hui, hein, parce qu'on ne pourrait plus faire les avances qu'on a fait autrefois. Autrefois, on payait d'avance des avions, ces avances remboursables. Hein. J'aime mieux vous dire que le remboursement, on l'a attendu un moment. C'est fini tout ça. On fait des fusées, ils sont avec nous, un jour ils payent plus que les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Paf ! Ils veulent arrêter le programme. Ça, c'est le comportement habituel des Allemands, on ne va pas leur reprocher. Ils se comportent comme des Allemands qui ont un programme politique annoncé et voté par le peuple allemand. Eux, quand les Allemands votent un programme, eh ben, ils l'appliquent. Ben, nous, la nouveauté, c'est quand les Français vont voter mon programme, nouveauté, il s'appliquera. Alors Jean-Luc Mélenchon, pour conclure, est-ce que vous faites encore peur à la bourgeoisie ? Qu'est-ce qui reste de Mélenchon qui fait peur ? L'ISF que vous voulez doubler ou tripler ? Et comment vous voulez le faire d'ailleurs ? Parce que vous savez, Mitterrand qu'il avait fait le premier, il avait exonéré l'outil de travail. Si vous rétablissez l'ISF, est-ce que vous exonérez l'outil de travail ? On va faire les choses raisonnablement, ne vous inquiétez pas. Mais on le fera progressivement, parce qu'il y a riche et riche. Hein. Par exemple, l'indemnité d'un parlementaire, moi, mon résultat mensuel, c'est 4200 euros. Je fais partie des gens, la petite catégorie de gens, très bien payés de ce pays. Hein, une paye de cadre supérieur. Bon, cela dit, entre gens qui ont des sous, ça les fait rigoler, un salaire de cette nature. C'est deux fois le revenu moyen, qui est 2000 et des choses, d'accord ? Donc il y a des écarts dans la fortune. Donc ceux qui sont tout en haut vont en effet payer beaucoup. Ça c'est clair, je ne vais pas le cacher. Donc s'ils veulent à tout prix avoir peur, qu'ils aient peur de ça. S'ils s'intéressent à leur patrie, ils pourraient avoir un peu moins peur. Surtout quand ils ont affaire à quelqu'un qui leur dit, voilà, nous planifions, nous prévoyons. J'ai la pratique de l'économie concrète. Plus que beaucoup d'autres qui font des phrases. J'ai été ministre de l'enseignement professionnel. J'ai donc négocié avec à peu près toutes les branches patronales du pays. Le plus important, c'est pas les cotisations sociales, je sais pas quoi, les impôts, tout ça. C'est des histoires d'argent. L'argent, il y en a toujours. Ce qui compte, c'est ce que savent faire les gens. Et on négociait. Qu'est-ce qu'on mettait dans les diplômes ? Qu'est-ce qu'on mettait dans les qualifications ? Monsieur Macron a tout fait exploser. Hein ? Donc, si vous voulez, ça sert à rien de négocier, pour la raison que vous n'êtes pas en état de négocier dans une entreprise, vous n'avez pas le rapport de force. Je rétablirai le principe de faveur. On a le droit de faire un accord dans l'entreprise que s'il est meilleur que la branche, et on a le droit de faire un accord dans la branche que s'il est meilleur que la loi. Voilà, ça c'est clair. Et pour le reste, je promets à tous ceux qui fabriquent quelque chose qu'ils auront la main-d'œuvre formée à haut niveau disponible pour le faire. C'est-à-dire un système d'enseignement professionnel dont je voudrais rappeler que je suis le seul à proposer que tous les élèves reçoivent une indemnisation dès leur première année égale à 1000 euros. De manière à ce qu'ils puissent faire que ça, étudier et être à bon niveau. On rétablira évidemment le bac professionnel en 4 ans. Et ensuite, tous les étudiants, donc inclus ceux qui sont BTS, ceux qui sont en IUT et dans toutes ces filières, parce que vous savez, dans l'enseignement supérieur, ça se fait pas de le dire, mais tout est professionnel. Une école de médecine, c'est professionnel. Une école de droit, c'est professionnel. Une école de littérature, c'est professionnel, parce que ça débouche sur des métiers. Donc, moi, avec moi, ce dont vous êtes certain, c'est que je sais où est l'essentiel de la richesse, c'est le travail. Et que le travail, c'est un travail qui est toujours qualifié. Aujourd'hui, tous les métiers sont des sciences pratiques. Ça, moi, c'est pour moi, c'est la prunelle de nos yeux. Les Français, on n'a que ça. On n'a pas de matière première et on n'a pas l'intention d'aller la voler chez les autres. Donc nous ne sommes pas des aventuriers militaires. Voilà. Donc moi, la valeur travail, j'en ai assez de voir des gens faire des gargarismes avec ça parce que ça veut dire travailler dur et fermer sa grande bouche. Non, pour moi, la valeur travail, c'est la valeur de la qualification qui est acquise par les travailleurs. Et j'ai la raison pour laquelle je pense que les gens raisonnables, même s'ils me combattent politiquement, peuvent avoir un intérêt à discuter avec moi et à travailler dans le cadre de cette économie mixte et de la planification écologique, parce que tout le monde y trouvera son compte. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, merci Marc pour cette nouvelle interview. On se reverra peut-être dans la suite dans la campagne. Avec plaisir. Merci beaucoup. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et main beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon dans le salon chinois. Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires. On leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions du sabre et du goupillon. Quand il s'en revenait et d'Asie et d'Afrique, il faisait régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brémeuse, des forts en tédéum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Le 31 décembre 2019, alors que nous fêtions la nouvelle année et la nouvelle décennie, l'OMS était alertée de plusieurs cas de pneumonie d'origine inconnue. Le Covid-19 pointait le bout de son nez, nous entraînant dans un engrenage dont nous ne voyons toujours pas la fin. Alors depuis, on peine à adresser des vœux de fin d'année enthousiastes et on se demande plutôt quelle catastrophe nous guette en 2022. Face à la crise de notre mondialisation néolibérale, crise sanitaire, crise logistique, crise économique, crise politique. Et si nos dirigeants se laissaient entraîner dans ce qu'on appelait jadis une bonne grosse guerre? Attention, ceci n'est pas une prévision, ce n'est qu'une identification, ce n'est que l'identification d'un risque. C'est une intuition fondée sur des données collectées et mises en forme par le tout nouveau média Elucide, dont l'originalité est justement de faire parler des évolutions politiques et économiques à travers l'exploitation de données. Elucide, dont notre camarade Olivier Berruyer et l'enthousiaste taulier. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant de commencer notre conversation, nous allons diffuser un petit module d'autopromo parce que nous sommes en campagne de fin d'année. C'est une campagne très importante parce que les sommes que nous allons collecter là détermineront notre survie et notre avenir, notre développement, alors que nous entrons dans une année 2022 qui est cruciale au point de vue politique et social. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Ah non, les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Il faut que la police tire à balles réelles. Ça rigole plus là. Et reculez, reculez. Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct. Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. Olivier, notre échange portera sur l'escalade des dépenses militaires dans le monde et plus particulièrement dans les budgets des grandes puissances. Mais notre conversation off a commencé après un de tes threads sur Twitter qui apparemment n'a pas trop de rapport avec un thread qui portait sur le programme de la coalition allemande désormais au pouvoir, sur le programme donc du nouveau chancelier Olaf Scholz. Et tu as identifié dans ce programme des points que tu as considérés comme problématiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en effet. Alors, pour mémoire, il y a eu donc des élections récemment en Allemagne qui ont changé la majorité. Et après différentes négociations, il y a une majorité en Allemagne, une coalition de trois partis. On a le Parti socialiste, le SPD, qui a fait 25%, qui s'est allié avec les Verts, qui ont fait à peu près 15%. Mais ça ne suffisait pas à faire la majorité. Donc, ils se sont alliés aussi avec les libéraux, façon macroniste, pour constituer la nouvelle majorité. Alors, une fois qu'ils ont été élus, une fois qu'ils ont négocié la coalition, donc après les élections, ils ont décidé de faire un programme commun. Alors, j'insiste sur ce point-là, parce que ce n'est pas des promesses qui ont été faites avant les élections, du genre « ouais, on verra après ». C'est un programme qui est fait après les élections, donc quand même relativement fiable. Les Allemands, ils ont tendance à respecter ce qu'ils mettent dans ces programmes. Et en effet, il y a des points qui sont problématiques, qui nous amèneront vers, en effet, l'aspect militaire qui est un peu inquiétant. Mais j'ai trouvé intéressant peut-être d'informer les gens sur, finalement, il y a quoi dans ce programme d'important ou de problématique, sachant, pour ne pas être non plus qu'à charge, il y a des choses intéressantes dedans. En particulier, je pense à une forte augmentation du SMIC en Allemagne, d'à peu près 15 à 20% de majoration du SMIC, qui va surtout concerner les services. En fait, l'industrie avait des salaires déjà plus élevés, un SMIC supérieur. Donc, il y aura un point positif. Il y en a un deuxième, évidemment, avec les Verts. Ça va être une accélération de la fermeture des centrales à charbon en Allemagne. Donc, il y a des points positifs, mais évidemment, on va parler plutôt des points qui posent problème. Et c'est notamment... Alors, le premier, qui est quand même très important, il concerne l'Union européenne, puisqu'on a quand même une coalition d'européistes assez forcenée. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il propose. Alors, le premier point, je vous propose de lire quelques points saillants du programme. Donc, il nous explique que nous profiterons de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour engager des réformes. Alors, le mot magique est lancé, réforme. Alors, on sait que quand il y a ça, il faut s'inquiéter en général. Et donc, il continue sur « nous soutenons les modifications nécessaires des traités », donc ils veulent changer les traités européens. « La conférence devra déboucher sur une convention constituante », le retour, et conduire à l'évolution de l'UE vers un État fédéral européen. Un État fédéral européen. Donc en fait, ils sont en train de nous remettre le coup de la Constitution de 2005, qui a été refusée par plusieurs pays, et sur lequel, évidemment, le caractère tout à fait démocratique de l'Europe s'est complètement assis pour nous faire le traité de Lisbonne, et donc approfondir, finalement, l'attaque contre la souveraineté des nations au profit d'une hypothétique et tout à fait illusoire, à mon sens, souveraineté européenne. Mais il faut bien voir que, quand on dit, tiens, est-ce qu'ils veulent faire un État fédéral, on est quand même sur quelque chose aujourd'hui de très ambigu. C'est déjà fédéral par certains points, il n'y a déjà plus qu'une monnaie, et il n'y a déjà plus qu'une politique économique. On voit qu'on a soustrait à la délibération nationale des points extrêmement importants, en particulier tout ce qui concerne l'économique et même le social, puisqu'il y a des pressions pour réformer les retraites, pour réformer l'assurance chômage. Ici, je vous ai mis la dernière, ce qu'ils appellent recommandation du Conseil européen. Bon, en fait, ce n'est pas du tout une recommandation, quoi. Si on ne le fait pas, on est sanctionné. Sur toute la partie économique, qui montre qu'il y a un cadre qui est unique en Europe, et donc qui est déjà fédéral. Ou dans ce document, qui est assez court d'ailleurs, on nous explique que, il faut changer l'assurance chômage. Donc la réforme de l'assurance chômage qu'on vient de subir, c'est directement une réponse à ces recommandations du Conseil. Ils nous expliquent, alors à l'époque, ils sont encore juste au moment où commence la crise Covid, ils nous disent qu'il faut se limiter à 1,2% de croissance des dépenses. Donc en fait, il faut diminuer les dépenses par rapport au PIB. Et il nous explique dedans, je me permets de lire, c'est quand même assez incroyable, c'est vraiment le Conseil de l'Union européenne qui dit à la France, c'est spécifiquement français, eh bien, il vous faut continuer de supprimer les impôts inefficaces et réduire les impôts sur la production. Donc on a des déficits colossaux. Ils nous disent qu'il faut baisser les impôts des entreprises, en fait. Donc autrement dit, il faut augmenter les impôts. Les impôts sur la production, ça s'est beaucoup entendu dans les éléments de langage des candidats à l'investiture LR. Bien sûr, et ça veut dire les impôts sur les entreprises. Et donc, comme forcément, il faut quand même payer des impôts. C'est-à-dire que c'est vraiment les consommateurs qui vont payer ces impôts. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut réduire les restrictions réglementaires, notamment dans le secteur des services. Ils doivent considérer qu'on est encore semi-communiste. Enfin, donc, il faut enlever toute réglementation, il faut libéraliser les services. Donc, tous ceux qui travaillent dedans et qui ont encore quelques limitations à un capitalisme qui devient de plus en plus délirant, donc, il faut les faire sauter. Et ça se termine par, enfin, il faut bien sûr prendre toutes les mesures qui visent à stimuler la croissance des entreprises. Donc, comme vous le voyez, il n'y en a que pour les entreprises, absolument pas pour les consommateurs. Et donc, il faut bien voir qu'on est complètement dépossédé de ces faits fondamentaux sur la vie des gens. Et que l'élection présidentielle, qui a d'ailleurs été qualifiée il y a quelques jours par Castaner d'élection locale au niveau européen, et c'est vrai, c'est plus qu'une petite élection locale au niveau européen, ne peut pas changer la politique économique qu'il y a chez nous. Et ce point-là, je l'avais cité la dernière fois, et donc j'ai souhaité vous montrer l'article de 1992, qui est une déclaration d'Alain Madelin au moment de la campagne de Maastricht. Et ce que j'aime bien chez les libéraux, c'est que souvent ils vous disent la vérité. Et pendant qu'on essaie de nous expliquer en 1992, mais oui, que Maastricht, vous allez voir, on va devenir la zone de plus forte croissance du monde. Oh là là, on va faire évidemment l'Europe sociale, qui est devenue un sketch à ce niveau-là. On va être au plein emploi. Ils étaient presque en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va manquer de salariés, tellement qu'il va y avoir des emplois créés. Et à ce moment-là, Alain Madelin vous dit donc le 6 septembre 92, je cite, « La construction européenne porte une belle promesse libérale. Le traité de Maastricht agit comme une assurance-vie pour éviter le retour à l'expérience socialiste pure et dure de 1981-1983. » Et il termine par « L'Europe impose des contraintes, mais ce sont des contraintes heureuses, car ce sont des contraintes libérales. » Chaque mot est juste, chaque mot c'est tout à fait transformé en réalité, et on voit bien que, évidemment, quand on est macroniste, quand on est dans cet axe-là, néolibéral, c'est super l'Union européenne, je comprends très bien qu'ils soient pour. Ils ont réussi à faire en sorte d'avoir un système qui impose leur politique, il ne peut pas y avoir d'alternative. Mais par contre, que des gens qui veulent une autre politique, qu'elle soit socialiste, puisque c'est eux qui sont visés, ou même un peu plus conservatrice à droite, ne pourront pas la mener dans le cadre européen. Donc on voit le côté antidémocratique. On est déjà dans un cadre antidémocratique, mais comment la coalition allemande donc veut le renforcer? Quels sont les, en dehors du fait qu'ils réaffirment leur volonté de créer un État fédéral européen, qu'est-ce qu'il y a en plus que tu as identifié? Eh bien, ils veulent aussi jouer du droit, parce qu'on a vu qu'il y a quelques mois, il y a eu une vraie tension avec la Pologne, qui essaie de réaffirmer son droit national par rapport au droit européen. On a vu tout de suite tous les européistes réagir en disant « Non, il est hors de question que le droit national soit supérieur au droit européen », parce qu'on y réfléchit en termes démocratiques, est complètement fou quand même. Et là, ils en remettent une couche. Déjà, ils vous disent que nous nous engageons et soutenons le fait qu'à l'avenir, la Commission européenne fasse également avancer les procédures contre les violations systémiques des traités. Donc déjà, pour tous ceux qui se disent « si on va désobéir au traité », on est déjà en train de vous dire que le bâton, il va arriver très très très très vite. Et encore beaucoup plus intéressant, c'est un peu plus technique, mais ça me semble intéressant que les gens le comprennent, ce truc-là, parce que c'est une façon de diminuer vos droits par du droit. Il nous explique « nous voulons qu'à l'avenir, les droits découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puissent également être invoqués devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'un État membre agit dans le champ d'application de son droit national. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il va y avoir une législation en France, purement nationale, les citoyens vont pouvoir dire « moi, je ne suis pas d'accord avec cette législation en référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». Mais surtout, c'est absolument dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, on met les droits de l'homme, qui sont des droits fondamentaux, au même niveau que des disputes politiques sur la marche de l'État. Mais c'est très intéressant, parce que quand tu dis le truc comme ça, ça a l'air sympa. Oui, pourquoi pas. Tu regardes, il y a quoi dans la Charte des droits fondamentaux? Alors, tu regardes, il y a des trucs, interdiction de la torture, interdiction du travail des enfants, droit à l'éducation, droit des personnes âgées. C'est plutôt sympa, t'es pas contre, pourquoi pas. Bon. Mais après, tu dis, la torture, le travail des enfants, c'est déjà un peu interdit dans l'Union européenne, en fait. Tu vas dire, pourquoi il faudrait ça en plus? Puis tu regardes, t'as des formulations dans la Charte qui sont déjà plus ambiguës. On te dit non-discrimination, ce qui est très bien, il faut lutter contre la discrimination. Tout d'un coup, on te dit, tiens, dans le domaine d'application du traité, les dispositions particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. Donc autrement dit, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent avoir le même droit, et en particulier, tu te dis, ils vont peut-être commencer à demander à avoir le droit de vote aux élections présidentielles dans chaque pays, par exemple. C'est un peu plus ambigu. En fait, oui, c'est-à-dire que c'est le concept de nationalité qui est un peu remis en cause. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, tu es en train de transmettre l'interprétation de ces trucs qui sont quand même très vagues à des juges qui sont pas élus, qui ne sont pas responsables. Tu vois, article 22, on te dit l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Bon, à la base, moi, je suis pour aussi. Mais ça veut dire quoi derrière? Si tout d'un coup, on te dit, tiens, en Alsace, ils veulent que dans les écoles, on enseigne qu'en alsacien et plus en français. Bah, peut-être qu'un juge va te dire, bah oui, s'il faut. Tu vois, je veux dire, on ne le maîtrise pas, ce truc-là, et on ne pourra rien faire. Mais, bon, ces cas sont un peu plus ambigus, mais il y a des cas qui sont encore plus problématiques. C'est tout ce qui concerne les entreprises, en fait. Le premier, regarde, il y en a un qui te dit, t'as le droit de propriété dedans. Donc, alors, c'est bien, on te dit, nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique. Ça aussi, oui, bien sûr, je ne veux pas être privé de ma propriété. Mais ça veut dire quoi? Si demain, tu as un gouvernement qui te dit, tiens, je veux nationaliser les banques, peut-être qu'un juge de l'Union européenne va dire, mais attendez, ce n'est pas d'utilité publique de nationaliser les banques, pour moi. Donc, vous nationalisez pas les banques, par exemple. Et le cas précis que j'aurais souhaité évoquer, parce qu'il est peu connu, et pour moi, il est vraiment illustratif de ce qu'ils sont en train de faire. Article 16, très court, la liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire. Te mettre la liberté d'entreprise. Alors, bon, c'est liberté de quoi? De créer une entreprise, ok, c'est bien. Eh bien, il y a une décision du Conseil constitutionnel français de 2016 sur une des dernières lois du gouvernement Hollande qui est très intéressante. Après 5 ans de pression, ils ont accepté, le Parlement a voté, une publicité des résultats des entreprises pays par pays pour les multinationales. Et donc ça, c'est très bien, l'idée était de dire, quand tu es BNP Paribas, on va te dire quel est ton chiffre d'affaires en France, ton nombre d'employés en France, ton résultat en France, combien aux îles Bermudes, et puis si tu fais ça, tu vas te dire, enfin c'est quand même bizarre, vous avez 12 personnes aux Bermudes et vous faites 10% de votre résultat. Et en fait, tu vois tout de suite l'optimisation fiscale entre pays. Donc c'est une vraie demande des organisations de primo de lutte contre la corruption et de lutte pour contre les paradis fiscaux. Donc c'est une bonne mesure ce truc-là. Puis tu te dis, c'est pas scandaleux qu'une entreprise dise pays par pays combien elle a fait, puisque si l'entreprise était nationale, tu aurais bien ses résultats pays. Et puis en fait, le Conseil constitutionnel, il a censuré ça au niveau de la Constitution française. Et tu te dis, mais enfin, comment ils ont censuré ce truc-là? Comme le Parlement, il a voté cette mesure raisonnable. Pourquoi? Et tu lis le Conseil constitutionnel, il te dit, mais en fait, ça, moi, je considère que ça a attaqué la liberté d'entreprendre. Alors, tu te dis, enfin, la liberté d'entreprendre, quel rapport? Puis d'ailleurs, ça vient d'où au niveau de la Constitution? Et il te dit, non, attendez, la liberté d'entreprendre, ça découle directement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je ne me rappelle pas avoir lu ça dans la déclaration de 1789. Et il y a quoi dans l'article 4? C'est très court, c'est le fameux qui te dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Donc, en 1789, tu as Robespierre, tu as Mirabeau qui écrivent « Voilà, la liberté, c'est faire ce qu'on veut sans nuire à autrui. » Et bien, tu as le Conseil constitutionnel qui dit « Quand ils ont écrit ça, en fait, rends-toi compte, ça interdit de demander une analyse, une publication des résultats pays par pays ou multinationales. » On se fout de la gueule du monde, en fait. On voit très bien que là, le Conseil constitutionnel, il sort complètement de son rôle. Il est en train de faire de la politique. Alors, on n'est plus dans un respect de la Constitution, je veux dire. Et donc, on voit qu'avec du droit, j'ai complètement fait dérailler une volonté du Parlement, et qui représentait, je pense, que 80% des citoyens sont d'accord avec ça, quand même, quand on explique les choses. Donc, on voit que cette façon d'instrumentaliser le droit contre les droits démocratiques, c'est quelque chose à qui il faut faire très attention. Et donc, on a beaucoup parlé donc de désir de fédéralisme, mais en quoi c'est belliqueux? C'est-à-dire, on n'a pas l'impression que c'est fondamentalement belliqueux. Non, c'est pas belliqueux, mais on voit, on se dit, tiens, ce gouvernement, c'est bizarre, sur certains droits, il agit assez durement. Là, ils ont d'ailleurs changé une promesse de campagne, et maintenant, t'as Olaf Scholz qui vient de dire, et ils sont en train d'essayer de faire voter la vaccination obligatoire en Allemagne. Du Covid, on se dit, mais attends, ça commence à devenir fou, ce truc-là. T'es déjà au moins 90% de gens vaccinés. Bon, OK, il y a quelques pourcents qui ne veulent pas se faire vacciner. On ne va pas en faire des sous-citoyens. Et nous, ce qu'on est en train de faire avec ce pass vaccinal, je trouve ça quand même scandaleux. Il y a quand même des limites, quoi. Surtout qu'on n'est pas sur un truc qui vraiment te dirait, bon, ça arrête l'épidémie si tout le monde est vacciné. On voit que ce n'est pas le cas non plus. Et donc, cette attaque de droits fondamentaux a tendance à se répandre, évidemment, ici, au prétexte de la crise du Covid. Mais ils font ça aussi sur d'autres sujets. Si je continue à parcourir un peu, ils te disent, tiens, on soutient le processus d'adhésion à l'UE des 6 États de la région des Balkans occidentaux. Donc, d'un coup, ça entraîne encore faire rentrer la Bosnie-Herzégovine, ce genre d'États qui sont déjà dans la poudrière des Balkans, où le SMIC, il est encore à 500 euros pour mettre en compétition les salariés les uns contre les autres. Alors, pour ta question au niveau belliqueux, eh bien, une des propositions qui est quand même assez qui est hallucinante, mais qui est dans leur logique d'État fédéral, il propose, c'est pourquoi on veut remplacer la règle de l'unanimité au sein du Conseil des ministres dans le domaine de la politique étrangère par un vote à la majorité qualifiée. Ils sont en train de dire, pour la politique étrangère, maintenant, il ne faut plus qu'il y ait d'unanimité, il faut que ce soit la majorité. Donc en gros, la France et l'Allemagne vont décider, les autres pays, ils n'ont qu'à s'y plier. Ou alors même si la France n'est pas d'accord, en tout cas, si tous les autres pays se disent contre la France... La Bosnie-Herzégovine, Chypre et... Oui. Bien sûr, oui, non, mais c'est vrai que ça peut faire basculer le vote. Et donc là aussi, on a une attaque fondamentale contre la souveraineté, contre nos intérêts potentiels, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes intérêts dans l'Union européenne. Alors pour ta question, en effet, moi, c'est... En fait, ce qui m'a le plus étonné peut-être sur ce point-là, c'est quand j'ai vu tout ce qu'il raconte sur la politique étrangère et sur les fondements de la politique étrangère. Et je pense que ça vaut le coup de prendre quelques secondes pour sensibiliser les gens là-dedans, parce que c'est assez contre-intuitif. Dans leur document, et c'est vrai, j'ai jamais vu un truc comme ça encore dans un gouvernement qui l'écrive aussi fortement, ils écrivent « On veut fonder notre politique étrangère sur nos valeurs ». Ils expliquent que leur but, c'est de préserver le mode de vie libéral en Europe et de protéger la paix et les droits de l'homme dans le monde. Nos valeurs et nos intérêts nous guident dans cette démarche. Les droits de l'homme constituent à cet égard notre boussole. Donc on voit qu'ils mettent les droits de l'homme et les valeurs très fortement au cœur de la politique étrangère. En soi, quand t'es citoyen, t'entends ça, c'est plutôt sympa. Moi, je suis pour les droits de l'homme. Hein. Enfin, toi aussi, je pense, ceux qui nous regardent aussi. Mais il faut faire très attention quand on est sur la politique étrangère, parce que ça peut vite poser de gros problèmes. Et en tout cas, il y a deux raisons principales, enfin, en tout cas, deux points à évoquer. Le premier, c'est déjà, c'est bidon. Parce que, évidemment, si tu respectes ça, bah, tu commences par rompre les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Hein, on est bien d'accord. Tu arrêtes de vendre des armes à peu près à tous tes clients, pour parler de la France. Ben voilà, les armes, ça a tendance à tuer des gens, souvent. Donc tu le fais pas. Mais je répète, tu attaques l'Arabie Saoudite. Les droits de l'homme, ça tombe bien. Il y a un truc depuis 1967 en Palestine, là, qui respecte pas ni le droit international, ni les décisions du Conseil de sécurité, ni évidemment les droits de l'homme en Palestine. Ils n'ont pas l'air d'aller vouloir sanctionner Israël plus que ça. D'ailleurs, ils disent clairement qu'ils vont pas le faire. Donc on voit déjà que c'est bidon. Ce truc-là. Donc tu vois, le truc, c'est très manipulatoire, et on est en train de vivre ça. C'est, je te mets quelque chose qui semble sympa aux gens, et puis, bah, tiens, c'est rigolo, j'ai pas dit qu'en fait, non, je vais pas l'appliquer à tout le monde, je vais juste l'appliquer dans ce qui me sert, dans d'autres intérêts, en particulier dans les intérêts géopolitiques américains. Et là, on voit qu'on perd la démocratie de l'époque de George Bush. Mais c'est exactement ça, et c'est en train de revenir. Parce que le deuxième point là-dedans, c'est quoi la diplomatie, en fait ? C'est d'aller parler avec des gens qui ne sont pas forcément des gens très sympas, ou en tout cas que tu n'aimes pas, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, parce que contrairement à ce qu'ils disent, les valeurs ne sont pas forcément universelles, hein, ça dépend de quoi. Dans le monde musulman, quand ils nous regardent, ils nous disent « Mais comment vous traitez vos vieux? Vous foutez ça dans des EHPAD comme des animaux, mais vous êtes dégueulasses. » Les Chinois nous regardent en disant « Mais attendez, vous n'avez pas lutté sérieusement contre le Covid, vous laissez mourir vos vieux, nous on ne fait pas ça. » Donc, tu veux dire, les valeurs, elles sont pas si universelles que ça sur certains points, mais surtout, c'est que la diplomatie, ça consiste à faire des deals. Normalement, tu fondes ça sur des intérêts. C'est quoi mes intérêts? C'est quoi tes intérêts? On n'est pas d'accord? Allez, on va faire 50-50. C'est ça. C'est pas toujours glorieux, mais ça permet de maintenir la paix. Si tu es sur des valeurs, tu peux plus négocier. Parce qu'en fait, tu négocies jamais sur tes valeurs. Tu vas pas dire aux Chinois, tiens, il y a un de vos opposants, là, vous lui avez mis 10 ans de prison parce qu'il vous a critiqué. Ah, non. Allez, dis long, vous lui mettez 5 ans, ça ira bien. Tu veux pas qu'il aille en prison. Et donc, je veux dire, tu es forcément tout de suite au conflit sur des choses qui relèvent de la politique intérieure des États. Je dis pas qu'il faut pas s'en occuper. Tu peux dénoncer. Il faut dénoncer quand il y a des attaques aux droits de l'homme. Mais si tu dis, je base toute ma politique étrangère dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller au conflit, en fait. Et le conflit, il peut dégénérer en guerre, suivant ce que tu fais. Donc, c'est quand même quelque chose qui semble sympa, mais sur lequel il faut faire attention. Il faut défendre les valeurs et les droits de l'homme. Mais faire attention, il y a des limites. Et si tu n'es pas ces limites, et en particulier, ce qu'est en train de faire la ministre des Affaires étrangères, hein, qui est verte, et les verts en Allemagne, ils sont beaucoup plus atlantistes et beaucoup plus va-t-en-guerre, un peu dans le style, oui, BHL, quoi, pour faire simple. C'est cette idéologie-là, ou ce qu'était Hillary Clinton aussi, hein. Faut faire attention, ça paraît sympa, ça finit par des conflits. Mais on va en discuter. Alors donc, globalement, quand tu décris dans l'ouverture donc de l'Union européenne aux pays des Balkans, le vote non à l'unanimité mais à la majorité sur les grandes orientations de la politique étrangère, on a l'impression que l'Europe doit être une sorte d'État fédéral qui se retrouve nez à nez avec la Russie. Bah, il y a évidemment ce risque-là. Hein. Si on continue à lire, ils te disent « Nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans la restauration de sa pleine intégrité territoriale et de sa souveraineté ». Et quand ils parlent de la Russie, ils expliquent que « Nous appelons à la fin immédiate des tentatives de déstabilisation contre l'Ukraine, de la violence dans l'Est de l'Ukraine, de l'annexion de la Crimée qui est contraire au droit international ». Ce que déjà il faut, c'est beaucoup plus discutable. Hein. Il y a beaucoup de discussions chez juristes internationaux, puisque la Crimée, elle a voté, enfin le Parlement criméen a voté son départ de l'Ukraine, son rattachement à la Russie, hein, de même qu'il y a eu un référendum, alors dans des conditions tout à fait discutables. Mais on sait que c'est une zone qui est pleine de Russes, en fait, majoritairement Russes. Alors, c'est un point important, parce qu'évidemment, l'Ukraine, bon, tout le monde s'en moque un peu, c'est quand même le plus grand pays d'Europe en termes de taille. Il ne faut pas oublier qu'en 1914, l'Ukraine, c'est un des buts de guerre du deuxième empire allemand. 25 ans plus tard, 1941, l'Ukraine, c'est un des buts de guerre du troisième empire allemand. Et on s'aperçoit qu'actuellement, l'Union européenne vise encore à faire entrer dans son giron l'Ukraine. Et c'est quoi l'Union européenne ? Bah, c'est finalement la continuation de l'empire allemand par d'autres moyens. Ouais. Alors, il faut faire attention à ce truc-là, parce qu'on rentre dans une zone, mais on va en parler un peu plus tard avec quelques cartes, qui est extrêmement sensible et qui peut, à mon avis, rapidement tourner, comme on voit les pressions actuelles, dans des conflits militaires. Mais il y a aussi des conséquences qui sont très concrètes pour les gens, parce que les gens disent pourquoi ils nous parlent de ça. Actuellement, le prix du gaz, on en a parlé il y a un mois, il continue à exploser, c'est en train de se passer là, à la frontière de l'Ukraine. Le prix du gaz a été multiplié par 10 en un an et demi. Je vous mets le graphique, quand vous regardez, c'est des niveaux jamais atteints. Et je rappelle que c'est non seulement le prix du gaz, mais c'est aussi le prix de l'électricité qui va suivre ça, parce que, bah, grâce à l'Union européenne, on a indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et la Commission européenne, il y a encore une quinzaine de jours, vient de dire on envisage d'interdire aux États de souscrire des contrats de gaz à prix ferme sur longue période. Qui permet de dire, bon, une fois pour toutes, on discute avec la Norvège, avec la Russie, voilà, pendant 20 ans, on vous achète le gaz, tel prix, donc il n'y a plus de surprise. Non, l'Union européenne dit qu'il faut être au prix du marché. Et le prix du marché, on voit ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça. Mais quels sont les mécanismes par lesquels le prix du gaz a augmenté ? C'est la Russie qui se venge de l'Europe en faisant augmenter les prix ? C'est pas forcément se venger, il y a des craintes. Alors il y a toute une mécanique qui est complexe à ce niveau-là. Il faut savoir que. Il y a encore l'Ukraine qui est là-dedans. Comment le gaz, il arrive en Europe? En bonne partie, il passe par l'Ukraine, par des gazoducs. Et évidemment, il faut payer l'Ukraine, il faut payer la Pologne avec des droits de passage qui sont élevés, hein, qui coûtent 5 milliards par an quand même aux consommateurs. Et donc, il y a une dizaine d'années, a été décidé de créer un gazoduc dans la mer, directement entre l'Allemagne et la Russie, qui s'appelle Nord Stream 2, et qui est au centre de pression depuis des années pour empêcher l'Allemagne d'avoir un robinet directement sur la Russie. Ce qui semble fou, parce qu'on dit, bah, c'est beaucoup mieux d'être directement chez le producteur plutôt que d'avoir des pays au passage. Parce qu'en 2014, l'Ukraine avait menacé de couper le gaz, en fait. Donc évidemment, ça nous met une pression sur nous, et ça donne des revenus à l'Ukraine. Alors, moi, je comprends pas, parce qu'en fait, on nous disait, en gros, que l'Allemagne d'Angela Merkel qu'elle était très laxiste vis-à-vis de la Russie, parce que justement elle était liée à la Russie par le gaz, puisque c'était son principal fournisseur de gaz. Et voilà qu'on nous dit que la même Allemagne en fait pousserait vers, disons, en tout cas le programme de la coalition allemande pousse à la défiance vis-à-vis de la Russie. Oui, enfin, tu sais, c'est des relations qui sont complexes. Hein. Enfin, on a besoin du gaz russe, les Russes, ils ont besoin de l'argent, de la vente du gaz. Donc, voilà, on est tous interdépendants là-dedans. Mais ce qui est étonnant, c'est en tout cas, Merkel était raisonnable. Elle a fait de la diplomatie, Merkel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, elle a dealé, c'est quoi mes intérêts, c'est quoi tes intérêts. Mais évidemment, à chaque fois que tu te mets à dealer, on te dit, vous mettez une espèce de vendu, ok. Mais quand on ne le fait plus, on va voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça peut être extrêmement dangereux. Je veux dire, ce qu'il y a dans ce programme, moi, m'a fait penser à ce que disait Mitterrand. Mitterrand avait une jolie phrase qui disait le nationalisme, c'est la guerre. C'est une de ses dernières phrases dans son dernier discours quand il est parti. Le nationalisme, c'est la guerre. Mais moi, j'aimerais que chacun réfléchisse. Qu'est-ce qu'il y a de plus nationaliste qu'un européiste ? Qu'est-ce qu'il veut l'européiste ? Il veut faire une nation. Il veut regrouper tous les États pour faire une grande nation. On te dit qu'il faut peser face à la Russie, il faut peser face à la Chine. Pour constituer une nation qu'une bonne guerre. Oui, entre autres, si tu veux, mais il faut bien voir. Et en plus, c'est un nationalisme qui est vraiment pervers, parce que si tu prends du zémourisme, ils sont nationalistes français. Mais à la rigueur, bon, bah, tu te rattaches à la France, tu fantasmes un peu ton passé. Mais nationalisme européiste, il se rattache à rien. Il n'y a jamais eu de pays européen, et spoil, hein, il n'y en aura jamais. Et on voit qu'ils ont toutes ces caractéristiques du nationalisme, ces caractéristiques belliqueuses. Et quand tu écoutes des discours, en particulier de la partie des socialistes, très socialistes libéraux au Parlement européen, surtout actuellement, tu as des choses qui sont extrêmement, extrêmement violentes, extrêmement inquiétantes en termes de propagande de guerre. On est en train d'avoir ça. Hein. Moi, je vous propose juste un petit schéma qui rappelle les 10 principes de la propagande de guerre qu'avait défini Anne Morelli, qui sont très intéressants. Tu as très souvent ça dans à peu près tous les conflits. Tu as, nous ne voulons pas la guerre. C'est ce qu'on te le dit actuellement, tu as une guerre à la Russie, vraiment, on n'en veut pas. Hein. L'ennemi est notre agresseur. Alors, la Russie fait des trucs. Alors, nous, on n'a vraiment rien fait. Hein. L'ennemi a un visage odieux. Ah, c'est les sales. C'est les Russes. Notre cause est noble. Nous, on est toujours pour les valeurs et les droits de l'homme. Hein. Oh, et nous, c'est jamais pour le pognon. Hein. C'est jamais pour la géopolitique. Bon, je passe les deux suivants parce qu'ils concernent vraiment du conflit. On te dit, bah, tiens, regardez, tout le monde soutient notre cause. Notre cause est sacrée. Ceux qui mettent en cause les propagandes sont des traîtres. On te dit souvent, tiens, le chef ennemi, il a le visage du diable, en fait. Donc on est sur un début de propagande qu'on a déjà connu. Hein. T'as connu ça sur la Libye et Kadhafi, t'as connu ça à Saddam Hussein. Pour ceux qui ont un peu de bouteille, c'est toujours la même chose. Et on voit qu'il commence à y avoir ça sur la Russie et qu'il commence à y avoir ça sur la Chine aussi, qui sont évidemment les deux prochains ennemis. On voit très bien que c'est surtout des ennemis du bloc américain et que l'Union européenne est évidemment toujours à la traîne. Hein. Un des autres points concerne la Chine. Pour sortir un peu de l'Europe de l'Est. Quand tu regardes ce qu'ils te disent, ils te disent « Nous voulons et devons concevoir nos relations avec la Chine au niveau du partenariat, de la concurrence et de la rivalité systémique. » Puis alors, pour que ce soit bien clair, ils t'expliquent, c'est quand même assez extraordinaire, « Nous aspirons à une étroite concertation transatlantique en matière de politique chinoise. » On va s'aligner, évidemment, sans aucune surprise, sur les États-Unis, mais au moins, on te le dit. Et une phrase qui est quasiment macroniste du « en même temps », te disent, dans le cadre de la politique d'une seule Chine de l'UE, nous soutenons la participation objective de Taïwan aux organisations internationales. Donc, il n'y a qu'une Chine, mais il y aura quand même deux représentants. Donc, en fait, il n'y a pas une seule Chine. Et ça, c'est extrêmement violent et c'est extrêmement belliqueux. Pareil pour les Chinois. Et si tu regardes les deux points dont on vient de parler, moi, je les trouve extraordinaires, pour montrer à quel point ils se foutent de nous. Ils te parlent de la Crimée, ils te parlent de Taïwan. C'est quoi la Crimée? C'est un bout, encore pas un bout de l'Ukraine, parce que c'était une république autonome, qui a décidé de dire, et c'est majoritaire, si tu connais la situation, oui, majoritairement, il ne voulait pas rester en Ukraine. Et on te dit, ça doit revenir à l'Ukraine. Il est hors de question de changer les frontières. Qu'est-ce que tu as à Taïwan? Tu as une population qui, majoritairement, n'a pas envie d'être en Chine. Et là, on te dit, ah ouais, non, il faut respecter le droit des peuples. Bien évidemment, on ne va pas respecter la frontière, il faut qu'il soit indépendant, ou en tout cas tout à fait autonome. Et ça se comprend d'ailleurs, parce que bon. Mais on peut faire. Mais soit tu dis, je respecte les frontières, et il faut que la Crimée soit ukrainienne, mais dans ce cas-là, il faut que Taïwan soit chinois. Ou alors tu dis, moi je respecte les droits des peuples, et dans ce cas-là, les deux, ils sont partis, soit bah, proche de chez nous, soit en Russie. On voit très bien que la vraie règle, c'est tout ce qui veut quitter notre périmètre, c'est interdit, vous ne le faites pas. Tout ce qui veut quitter le périmètre des gens qu'on n'aime pas, vous pouvez, c'est welcome, c'est les droits de l'homme, c'est vous qui décidez. Alors entrons un peu dans le dur, c'est-à-dire dans les chiffres. Oui. Elucide a réalisé un certain nombre de graphiques sur les dépenses militaires dans le monde et on se rend compte qu'il y a un peu partout un creux, disons, après la fin de la guerre froide. Et puis c'est reparti, peut-être, en tout cas quand je regarde avec mes yeux de profane, c'est reparti après les attentats du 11 septembre. Est-ce que c'est une bonne analyse? Ben, c'est ça, oui. On voit très bien que les guerres des États-Unis ont remis les dépenses militaires à la hausse après les années 2000. Donc on a bouffé tout ce qu'on avait gagné des années 90 en termes de récupération d'argent qui était bloqué par la guerre froide. Donc c'est ces guerres-là. Mais on voit très bien que quand les guerres sont finies, et là, aujourd'hui, ben, ils n'en ont plus, les États-Unis, ben, les niveaux de dépenses sont toujours extrêmement élevés, beaucoup plus élevés même encore que durant la guerre froide, hein, puisque dans ce graphique, c'est corrigé de l'inflation. Donc on voit très bien qu'on a un militarisme qui est évidemment d'abord américains, hein, puisqu'ils sont ils ont une quarantaine de pourcents des dépenses de la planète sur les États-Unis. Mais on voit très bien que se développent aussi des dépenses militaires fortes en Asie, en particulier en Chine, et qui sont extrêmement inquiétantes. Et donc vous voyez qu'on est passé de 1 000 milliards à presque 1 800 milliards de dépenses militaires. Et au bout d'un moment, je veux dire, on ne met pas autant d'argent dans du militaire sans l'utiliser. Et c'est quand même pas terrible. Sinon, les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? Donc on a on a un danger assez fort là-dedans et qui est matérialisé par cette dernière proposition du gouvernement allemand qui vous dit, évidemment, l'OTAN. Alors, c'est l'OTAN, c'est sacré. L'OTAN reste le fondement indispensable de notre sécurité. Alors, c'est rigolo, ils ne sont plus européistes. Là. Ils ne sont plus en train de dire, quand même, on va faire un bloc indépendant. C'est parce que... les États-Unis d'Occident. Enfin, c'est les États-Unis d'Occident soumis aux États-Unis d'Amérique. Hein. Ah oui, parce qu'ils pourraient dire, on va faire une armée européenne. On est quand même plus nombreux que les États-Unis à la base. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait besoin des États-Unis. On explique, on va faire un grand pays pour peser. Bon, si déjà, tu ne peux pas te défendre, c'est comme si je dis, ouais, moi, je suis quand même super costaud. Ah, mais me tape pas, sinon, mon ami va venir. Attends, c'est ridicule. Non, mais enfin, c'est pas grave, c'est les États-Unis, c'est l'OTAN. Ils continuent, hein, nous nous engageons à renforcer l'alliance transatlantique et à partager équitablement les charges. Je rappelle, c'était une demande très forte de Trump. Ils sont en train de demander un tribut. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut payer. Et ça veut dire quoi, l'OTAN? Ça sert à quoi? Ben, ça sert à ce que les impôts des Européens, ils servent à acheter des armes aux États-Unis et pas sur des petites sommes. Hein. Et alors, pour finir, c'est quand même assez incroyable, nous nous engageons à renforcer la dimension politique de l'OTAN. Alors, l'OTAN, c'est censé être une alliance défensive face à un ennemi qui avait disparu. Et on te dit, non, ça va devenir politique. C'est extrêmement atlantiste. Et ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas vraiment beaucoup débattu ici en France, alors que l'axe que laisse entrevoir, disons, la bulle explicative française, on dira, c'est on va utiliser l'Union européenne pour peser et pour éviter des déconvenues comme celles que nous avons eues en Australie avec les États-Unis. Et c'est un bon exemple. Tu as bien vu à quel point, derrière, on a eu une défense de l'Union européenne. Tous les autres nous ont regardé en disant « démerdez-vous, on s'en fout, on dit rien contre les États-Unis ». Donc on voit très bien que, de nouveau, on pèse rien. Mais d'ailleurs, tu sais, ça c'est une formulation toujours de la propagande. Oui, il faut se réunir pour peser. Mais déjà, si tu réfléchis, deux minutes, il faut peser sur quoi? Sur quel sujet? Listons-les. Où il faut se mettre pour peser? Tu regardes, il n'y a pas 50 trucs de quoi on parle. France a besoin de peser sur un certain nombre de domaines, notamment la défense, la vente d'armes, pour éviter des déconvenues comme celles qui nous arrivent en Australie avec les États-Unis. Mais est-ce que ça a marché, non? Non, ça n'a pas marché, mais on dit que fait l'Europe fédérale, peut-être que ça marchera. Pour ceux qui aiment Tintin, hein, tu sais, Caramba, encore raté. Ah, 87e échec de suite. Mais non, ça va bien marcher un jour. Ça fait que 80 ans qu'on essaye. Tu verras que dans 5 ou 6 siècles, ça commencera à marcher, qu'on commencera à peser peut-être. Le réarmement, le chiffre. Oui, ouais, j'écoute. Mais j'insiste. Hein. Est-ce qu'on peut peser sur l'économie? Tu pèses rien. On a ouvert les frontières, on a mondialisation. Donc ça ne sert à rien de se grouper. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de droits. Mais si tu regardes où tu peux peser, il faut peser quoi? Sur le climat? Sur le climat, il faut peser international. On ne va pas peser à 20. Donc si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels il faudrait vraiment se grouper pour peser. Si tu regardes, il n'y en a qu'un, hein, c'est la guerre. Ouais, il faut se grouper pour faire la guerre. Ouais, ça, ok, je suis d'accord. Mais ça s'arrête là. Hein. Tout le reste, tu n'as pas à constituer une zone prédéfinie pour peser. Parce qu'en fait, tu ne peux jamais peser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord. C'est ça qui est fondamental. C'est que ce raisonnement, il est complètement biaisé. Que tu dises, je veux quelque chose. Qui est d'accord avec moi? Venez et on pèse. Ça marche. Mais si tu dis, on se met à 28, complètement différent. On se ressemble. Et on va peser. Mais tu ne peux pas peser, on n'est pas d'accord. Regarde, je prends un exemple un peu bête, mais imagine qu'on se dise, tiens, faisons ensemble, tous les deux, Illucide, les médias, un petit média. En plus, je sais pas. Bon, on va pouvoir, pourquoi pas. On ne pense pas des choses très différentes, on peut faire un truc sympa. Imagine que je te dise, non, on ne va pas peser assez face aux grands médias. J'ai une bonne idée, ce qu'on va faire, on va faire un média, et puis au comité de rédaction, on va mettre Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron, Mélenchon, Jadot. Et puis, on va peser. On est nombreux. Pesons. Qu'est-ce qu'on va faire comme chaîne ensemble là-dedans? On est d'accord sur rien? On va faire la chaîne météo. On ne va pas faire autre chose. Mais on ne pourra pas, on n'est pas d'accord. Une chaîne de MMA peut-être. Oui, mais c'est normal. Je blague, mais c'est fondamental ce truc-là. Qu'est-ce que tu veux faire avec les Polonais hyper conservateurs, avec les socialistes en Espagne, avec le macronisme complètement dégénéré, avec l'Italie, c'est du n'importe quoi, maintenant ils ont presque un parti unique. Tu ne peux jamais peser, on n'est jamais d'accord en fait. Tu pourrais dire. Bien, moi, je veux peser sur les prix du gaz, je veux négocier un truc. Qui est d'accord? Et puis, tu auras peut-être France, Allemagne, l'Italie va te dire non, l'Espagne va te dire oui, peut-être le Brésil, alors, c'est peut-être pas mon exemple, mais un État qui ne fait pas partie de la zone pourra te dire, mais moi, je vous rejoins, tu vois, s'il faut peser, on pourrait prendre des gens hors de la zone Union européenne pour peser face à... Ça c'est jamais évoqué, en fait. C'est ça, l'escroquerie fondamentale de leur projet. C'est pour ça que ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on ne pèse pas. Quand est-ce que la France a pesé pour la dernière fois? C'était quand il y avait De Gaulle. Alors, certes, une figure historique, mais même, c'était quelqu'un qui s'affirmait et qui est capable de dire, tiens, vive le Québec libre, et je n'ai rien à foutre de ce que pensent les autres. Et à ce moment-là, tu peux être écouté, tu peux être respecté, tu peux faire comme il faisait une politique arabe. Bon, là, il faut demander à tout le monde, personne n'est d'accord, tu peux pas. Je veux dire, De Gaulle, moi, j'avais interviewé son conseil diplomatique en 2014, on t'expliquait très bien qu'il s'arracherait les cheveux, parce que c'est lui qui conseillait, ils ont fait la politique de la France ensemble pendant 10 ans. Les problèmes qu'on a avec l'Ukraine, avec la Russie, mais ça se règle en quelques heures de discussion avec des gens qui sont compétents et qui veulent arriver à des accords. Nous, ça fait des années qu'on est en train de créer un conflit. Et il y a une vraie probabilité qu'il y ait bientôt un conflit et qu'on se retrouve avec encore une propagande pour soutenir ce conflit. Mélenchon l'a très bien expliqué dans un très bel article de blog il y a 3-4 semaines qui commençait par parler de Zemmour, mais après il y a toute une partie géopolitique qui est vraiment extrêmement affûtée que je conseille aux gens. Alors, quand on parle donc des blocs qui pourraient s'affronter, quand on observe les dépenses militaires, qui augmente ces dépenses militaires dans le monde ? Les États-Unis, beaucoup, et la Chine, beaucoup, mais ce n'est pas les seuls. L'ensemble de l'OTAN fait ça. Et là, je vous ai fait un petit graphique qui est assez incroyable, qui vous montre bien le tribut qu'on doit payer aux États-Unis. Puisque vous voyez ici, sur l'ensemble des pays membres de l'OTAN, l'évolution des dépenses militaires uniquement entre 2019 et 2020. C'est les petits points verts, c'était en 2019. En bleu, c'est en 2020. Vous voyez que tous les pays ont augmenté, et certains très fortement, les dépenses militaires en pourcentage du PIB, puisque Trump avait dit il faut payer 2% du PIB en dépenses militaires dans chaque pays de l'OTAN. Je vois qu'il y en a un ou deux quand même qui ont baissé leurs dépenses. Oui, pour des petites raisons. C'était la Bulgarie, mais bon, pour des raisons très particulières. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la France aussi, elle vient de la monter. Ça y est, on est passé à 2,1% des dépenses. Peut-être que c'est autant d'argent qui ne va pas à l'hôpital, qui ne va pas à la sécurité, qui ne va pas à l'éducation. Tout ça pour, je répète, quelque chose qui est construit. Les conflits sont en train d'être construits. On n'a pas... Enfin, je rappelle que l'OTAN, c'est 7 fois plus gros que la Russie. Alors, il y a des problèmes, mais la Russie ne se réveille pas en disant « Tiens, si j'allais créer des problèmes avec l'OTAN, ils sont 7 fois plus gros que moi. » Après, ils ont des problèmes de sécurité, et c'est ce qu'ils essayent de faire valoir actuellement. Donc, on est sur quelque chose de vraiment problématique au niveau de l'OTAN. L'OTAN m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire, de ce truc qui devrait être une protection, c'est quelque chose qui est en train de créer des conflits. Et si vous regardez cette carte, vous voyez l'extension de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. L'OTAN avait été fait pour lutter contre l'URSS. On aurait pu se dire, quand l'URSS a été dissoute, on est dissous de l'OTAN. Mais pas du tout. Vous voyez, on l'a renforcé, et on l'a renforcé de plus en plus en Europe de l'Est, de plus en plus aux frontières de la Russie, alors qu'on avait, à l'époque, promis à l'URSS que non, on n'étendrait pas l'OTAN, bien sûr, c'est pour ça qu'ils avaient accepté la réunification de l'Allemagne et son entrée dans l'OTAN. Alors, il y a un autre truc qui me frappe, c'est que quand on regarde tes cartes, on a l'impression que les États-Unis, d'un point de vue économique, leur leadership peine par rapport à la Chine, mais d'un point de vue militaire, quand même, les États-Unis seuls et les États-Unis plus l'OTAN, c'est quand même énorme. Et finalement, c'est la seule supériorité qui reste, la seule supériorité évidente et écrasante qui reste. Et ça donne l'impression qu'on peut utiliser ça pour rééquilibrer les choses à notre profit. Oui, bien sûr, mais ça veut dire aussi derrière que, mais de toute façon, c'est ce qu'avait très bien dit Eisenhower dans son dernier discours. Il dit, faites attention au complexe militaro-industriel, à ce qu'il n'influe pas la politique. Or, on voit que, évidemment, il représente une telle partie aux États-Unis, et finalement, il commence à en représenter une telle partie en France. C'est le dernier truc qu'on exporte. Maintenant, c'est des armes, et nos dirigeants, comme Macron, sont des VRP, qui vont se prosterner devant Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, qui dissout des journalistes dans l'acide, quoi. Donc c'est un vrai problème, ce truc-là. Je veux dire, on est en train, je répète, de se faire racketter. En tout cas, les dépenses françaises, elles explosent. Elles atteignent 46 milliards. Avec ces dépenses françaises, on achète des armes françaises en France. Je parle globalement au niveau de l'OTAN, sur ces dépenses-là. Et puis, on n'achète pas 100% de matériel français non plus. On achète des technologies militaires américaines. De toute façon, je rappelle qu'on a un peu détruit l'industrie chez nous. Donc, ouais, c'est vrai que ça vivote encore un peu au niveau du militaire, mais ils ont aussi besoin derrière de l'industrie militaire américaine pour faire certaines de ces armes. En tout cas, c'est un pur racket de l'Allemagne. Les pays européens achètent plus des armes américaines que des armes européennes. Bien sûr, parce que là, tout d'un coup, tu vois de nouveau, l'européisme, on va peser. C'est rigolo, c'est ce qu'essaie de faire Macron actuellement. On peut quand même reconnaître ça. Il essaye de dire, faudrait quand même qu'on achète des armes européennes. Pourquoi pas. On voit très bien que les autres lui disent non, et ils vont continuer à acheter des F-35 américains. Mais tout ça est incroyable. Il y a une anecdote pour sortir des armes. Je ne sais pas si tu as vu. Joe Biden vient de créer des subventions aux voitures électriques aux États-Unis. C'est pas rien. Ça peut être 10, 12 000 dollars par voiture. Mais une bonne partie, il a dit, vous avez la subvention que si vous achetez des voitures électriques américaines. Ouais, le contribuable, il va intervenir pour aider l'emploi chez lui. Mais sauf que nous, en Europe, ils ont répondu, c'est interdit de faire ça. Et nous, quand il y a des subventions, il est interdit de dire que non, tu vas subventionner des voitures qui sont produites en Europe. Et au final, quelle est la voiture la plus vendue en France, la plus vendue en Europe actuellement? C'est la Tesla, modèle 3, qui est une voiture américaine produite en Chine. Et c'est subventionné par le contribuable français. Et là, je pense à Hubert Védrine, qui avait cette jolie formule de dire « L'Europe, c'est l'idiot du village global, quoi. » Je pense que la France est l'idiote du village européen, en plus. – Alors, est-ce que la configuration actuelle, avec la crise sanitaire, le Covid, qui crée une crise économique, est-ce que c'est de nature à, accentuer justement le bénéfice de certains acteurs. Oui, bien sûr, parce que c'est des fuites en avant, mais tu sais, ce bellicisme, bien sûr qu'il est guidé par ce que j'ai dit, quand tu dépenses autant d'argent, quand tu as autant de dépenses militaires, tu peux être tenté de les utiliser, hein, pour montrer que ça marche aussi. Et à un moment donné, on est français, hein, et on vend des armes, monsieur. Il est où l'exposition des modèles, comment c'est que ça marche? Bah, faut les utiliser, les armes, pour montrer. C'est l'appartement témoin. Donc, t'as ce risque-là. Mais faut pas être trop machiavélique, des fois. On a quand même surtout des gens qui sont bêtes et qui sont vraiment incompétents. Et c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est le chef d'état-major de l'armée britannique qui est intervenu à la télé il y a un mois, quelque chose comme ça, et qui a dit, faut faire attention. Hein. Clairement, les diplomates, ils sont plus du niveau des années 70 où on arrivait à gérer les problèmes. Comme je vous parlais du conseil diplomatique de Gaulle, M. Maillard. On a des gens qui peuvent vraiment vous déclencher, comme en 2014, un conflit en Ukraine militaire, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont pas capables d'être des diplomates, parce qu'il y a une administration comme ça en Europe qui n'est plus liée à un État, qui est en roue libre, où le bureau A est en train de faire quelque chose, le bureau B fait exactement le contraire, donc ça va créer des conflits. Ce n'est plus maîtrisé, et ils sont surtout guidés, je répète aussi, par cette espèce de diplomatie des valeurs qui n'est pas que sympathique, qui forcément conduit à des conflits. Et si tu regardes, Obama, il a fini son mandat avec une guerre en Ukraine. Trump, avec ses 2000 défauts inacceptables, c'est comme des présidents qui n'ont pas fait de guerre. Il n'avait pas beaucoup de valeur, on va dire. OK, mais Biden, oui, mais bien sûr qu'on en rigole, et bien sûr que c'est dégueulasse de ne pas avoir de valeur. Oui. Mais avoir la paix, c'est pas mal aussi. Parce que si tu as un conflit, c'est-à-dire le prix du gaz et l'inflation, ça va sacrément changer la vie des gens qui nous regardent. Hein. La paix, c'est une valeur sacrée. Là. Bien sûr. Et pour terminer, moi, j'avais juste envie de citer Georges Kennan, pour qu'on ne dise pas, tiens, qu'est-ce qu'il raconte lui. Georges Kennan, bon, personne le connaît, c'est un des plus grands diplomates américains. Il a été ambassadeur des États-Unis en URSS. C'est surtout le type qui, en 1946-1947, a conçu la logique de lutte contre l'URSS, de containment. C'est-à-dire comment j'empêche l'URSS de s'étendre sans faire la guerre et en gardant des relations correctes. Donc c'est un très grand penseur, un très grand connaisseur de l'URSS. En 1998, il a donné une interview. On a la chance parce qu'il a vécu centenaire. Donc en fait, il a eu le temps de voir l'évolution. Et cette interview, je l'avais traduite, elle est vraiment extraordinaire de compétence et de préscience de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il raconte quand le journaliste va le voir en 1998? C'est le moment où on va étendre l'OTAN à la Pologne et à la Tchécoslovaquie. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? C'est quelques lignes que j'ai envie de vous partager. Il dit « C'est une erreur tragique. Il n'y a absolument aucune raison d'étendre l'OTAN. Cela va entraîner une réaction hostile de la part de la Russie. Et alors ?» Ceux qui auront choisi d'étendre l'OTAN diront qu'ils vous avaient bien dit que les Russes étaient comme cela. Mais c'est tout simplement malhonnête. Et donc oui, la question qu'on devrait tous avoir, c'est pourquoi on continue à étendre l'OTAN? Pourquoi maintenant, on a vu sur la carte, on a le projet d'étendre à l'Ukraine et à la Géorgie, qui sont deux anciennes républiques de l'URSS, et qui vont entraîner très probablement une réaction, certes illégale au niveau du droit international de la Russie. Hein, c'est ce qu'on vit actuellement. La Russie vous dit juste tout ce qu'on vous demande, c'est... Ne faites pas rentrer l'OTAN et la Géorgie, ne faites pas rentrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. Pour nous, c'est dangereux. C'est l'équivalent de la crise des missiles de 62. Vous faites rentrer à notre frontière des pays où vous allez stocker des armes nucléaires qui peuvent nous détruire en 5 minutes chrono. Et c'est pas acceptable. Eh bien, qu'on soit pas capable de gérer ça. Alors que, qui est vraiment d'accord pour étendre encore ces trucs-là? Je veux dire, ces alliances militaires, c'est ce qui a causé la Première Guerre mondiale. Hein. C'est ce qui a causé la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, dans la propagande qu'on va subir, ou au genre de propos que je tiens, on vous dira « Ah ouais, t'es muni quoi, machin ?» Non, évidemment, on n'est pas muni quoi. Évidemment qu'il y a des cas où il faut faire la guerre. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui ont signé Munich, ils sortaient d'une guerre mondiale, donc ils ont un peu hésité à en faire une nouvelle. Et les mêmes, Daladier et Chamberlain, un an après Munich, ils sont confrontés à notre crise avec la Pologne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent « On refait pas Munich, hein, on n'est pas cons. » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent la guerre. Il ne faut pas oublier que le risque qu'on a, c'est pas d'avoir une guerre qu'on va perdre, hein. C'est que la prochaine guerre, il n'y aura pas de vainqueur. Hein. Avec les armes nucléaires, si on a de la chance, c'est quelques milliards de morts. Si on n'a pas de chance, on aura réglé le problème climatique et c'est les musaraignes qui pourront se développer pendant quelques dizaines de millions d'années. Alors, c'est ça le risque. Hein. Et c'est un risque qui était très présent dans les années 70, le nucléaire. Les têtes nucléaires, il y en a toujours des masses colossales, comme on voit sur ce petit graphique que je vous ai fait. Ça met en péril vraiment l'espèce humaine. Tout le monde s'en fout. On est maintenant dans des délires identitaires. On n'est plus en train de parler, comme je disais, ni des problèmes économiques sur la vie des gens, mais ni même des problèmes de sécurité, des problèmes d'extension qui se font dans notre dos, sans notre accord, où on risque de se retrouver dans des conflits avec l'OTAN qu'on ne souhaite pas, pour défendre des territoires qui sont, comme l'Ukraine, un des pays les plus corrompus au monde, un pays qui est en faillite totale, un pays qui emprisonne le leader de l'opposition ukrainienne et est en résidence surveillée. La semaine dernière, ils ont mis le deuxième leader de l'opposition aussi poursuivi par la justice pour haute trahison. Donc, vous dire, c'est pas mieux l'Ukraine que la Russie. C'est deux pays qui peuvent poser plein de problèmes. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire entraîner par l'OTAN dans des conflits sur lesquels on n'a vraiment, vraiment rien à faire. Merci beaucoup, Olivier, et bonne vie à Lucide. Je rappelle que dans la description, il y a un lien vers la page YouTube et le site elucide.media. Presse, une page complète de publicité avec une photo qui montre des capteurs solaires à perte de vue et des capteurs de toutes les couleurs. Alors ça va du rouge au jaune en passant par le bleu et différentes nuances de vert, etc. C'est une très belle photo. Et puis donc Total Energy. Total Energy exploite plus de 350 centrales d'électricité renouvelable en France. Tiens, on ne l'avait pas dit celle-là. 287 centrales solaires et 61 fermes éoliennes et 11 centrales hydrauliques permettent à Total Energy d'alimenter le marché en énergie renouvelable. Ah, ben voilà des nouvelles qui sont bonnes de temps en temps. Autre chose pris sur le net, Cour des comptes, un rapport peu favorable au nucléaire. Lundi 13-12-2021, la Cour des comptes a rendu public un rapport consacré à l'analyse des coûts du système de production électrique en France entre 2011 et 2020. Elle met en avant l'écart des coûts de production du parc nucléaire existant, pouvant aller de 43,8 à 64,8 millions euros Oui, 64,8 euros par mégawattheure en 2019, selon la méthode de calcul retenue ainsi que la baisse du coût des filières renouvelables. Pour le nouveau nucléaire, les magistrats aboutissent à un coût allant de 85 à 100 euros par mégawattheure. Ils invitent les pouvoirs publics à calculer les coûts complets de chaque scénario pour les prochaines décisions de planification. Conclusion, l'énergie nucléaire actuelle n'est pas aussi économique qu'annoncée par EDF. Point de suspension. Et les nouveaux réacteurs sont bien plus coûteux que les énergies renouvelables. Intéressant, non ? Et dérangeant. Nucléaire encore, importante fuite radioactive à la centrale du Tricastin. Une énorme quantité de tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène, a été mesurée dans les eaux souterraines de l'unité de production d'électricité, EDF, et l'autorité de sûreté assure que la fuite est circonscrite. Mais les liquides contaminés de cette centrale, l'une des plus vieilles de France, se retrouvent inévitablement dans l'environnement. Voilà, une fuite radioactive très importante s'est produite début décembre à la centrale du Tricastin, Drôme, qui fait tourner 4 réacteurs et l'une des plus anciennes installations nucléaires en France. Une énorme quantité de tritium, voilà. Hein. Ouais. Eh ben oui, ben, que voulez-vous hein. Oui, on a voté. Hein. Depuis 50 ans, on a voté pour le nucléaire. Sans le savoir qu'on votait pour ça, hein. On votait pour d'autres choses, on a voté pour élire des députés, des sénateurs, des... Non, pas les sénateurs, c'est pas nous qui les élisons, les... c'est la noblesse qui élit les sénateurs. Les présidents de la République, voilà, hein. Et alors, indirectement, ben on est responsable de tout ça. Indirectement, hein. Ah oui, c'est pas nous qui sommes directement, c'est pas nous qui avons... Non, mais indirectement quand même, de l'électricité dans l'air européen. Le nucléaire est-il vert ? La confirmation est tombée à la veille de Noël. Mais oui, tiens. La Belgique arrêtera ses 7 réacteurs nucléaires en 2025. Elle suit l'exemple de l'Allemagne qui fermera toutes ses centrales en 2022. Décision prise par Angela Merkel au lendemain de la catastrophe de Fukushima. Il y avait déjà eu Tchernobyl qui avait poussé les Allemands à réfléchir à la question. Et ben voilà, décider finalement de sortir du nucléaire le plus tôt et le mieux et le plus vite possible. Alors, présidentielle 2022, Garnier-Thiebaud face au défi du tissu made in Vosges. Ah, alors il y a un petit farceur qui a marqué au crayon à côté de made in Vosges, hergestellt in Vogesen. Hergestellt in Vogesen. Made in Vosges, c'est un patois. Et Gershel, ça en a un autre. On parle plusieurs patois dans les Vosges, hein, ça dépend dans quelle vallée on habite. Hein. Ah oui. Voiture neuve, Peugeot passe devant Renault. La Légion d'honneur, santé. La Légion d'honneur pour Buzyn et Delfrécy. La Légion d'honneur distingue en 2022 plus de 500 personnalités, dont certaines impliquées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Tel le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, ainsi que d'autres personnalités, dont l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé a été promue chevalier de la Légion d'honneur samedi 1er janvier. Donc, voilà, ben, faut en s'en souvenir, hein. Ah oui, on n'est pas rancunier, mais quand même, hein, on peut pas tout tolérer. Hein. Ben non, sinon, ça voudrait dire qu'on est des imbéciles, hein. Ah oui, on n'est pas rancunier, mais quand même, allons, hein, un peu de bon sens, de temps en temps, il faut voter avec du bon sens, ah oui, président de la République et Premier ministre, 15 203 euros brut par mois, ministre, 9 940 euros brut par mois, secrétaire d'État, 9 430 euros brut par mois, 10 euros de moins par mois que les ministres, les secrétaires d'État. Ah oui. Donc, il vaut mieux être ministre que secrétaire d'État, hein. Oui, parce qu'on gagne 10 euros de plus par mois. Alors, conseiller ministériel, 8 725 euros brut par mois. Ensuite, député, sénateur, 7 240 euros bruts par mois. Voilà. Donc, si vous êtes au chômage, que vous ne savez pas comment faire pour gagner votre vie, et la gagner assez bien quand même, hein, eh bien voilà, il faut faire la politique. Eh oui, il faut se présenter aux élections, du moins. Parce qu'il y a des gens qui sont élus et puis qui font pas de politique, hein. Voyons. Depuis 2017, chaque jour ferme une école publique, en particulier dans le monde rural. 7900 postes d'enseignants ont été supprimés dans le second degré, c'est l'équivalent de 175 collèges disparus. La voie professionnelle a été démantelée, progressivement remplacée par le tout apprentissage. Le diplôme national du baccalauréat a été transformé en examen local dont la valeur dépend désormais de la réputation du lycée dans lequel il est passé. Oh, je pense que dans quelques temps, les lycées privés auront une meilleure réputation et leur diplôme, parce qu'ils auront leur diplôme, aura plus de valeur sur le marché du travail, sur le marché de la finance, sur le marché du travail, voilà. Parcoursup a introduit la sélection à l'université, le tri entre les bacheliers. Si cette politique libérale et inégalitaire l'un de ses avatars proposés par la droite était poursuivi pendant 5 ans, de plus, nous connaîtrions bientôt, comme aujourd'hui à l'hôpital, l'effondrement du service public d'éducation. Ben, c'est le projet de ces messieurs depuis longtemps. Eh oui, ils avancent coup par coup, petit à petit, mais ils avancent. 600 acteurs de l'éducation, enseignants, professeurs et parents, appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il déclare ? 2022, c'est la dernière station à Val-d'Isère. Réfléchissez bien. Je propose un programme politique pour changer notre pays de fond en comble. Lui redonner la puissance morale, intellectuelle, scientifique, culturelle. C'est la puissance dans laquelle la France peut exceller. Peut. Doit. Devrait. Monsieur Spielmann Philippe, professeur des écoles retraitées, syndiqué au SNUIPP FSU 54, à Haucourt 7-1-22. À monsieur Tiquet d'Azen de Meurthe-et-Moselle, 4 rue d'Auxonne, 54 000, Nancy. Alors, je passe le début de la lettre, qui est assez long. Je pourrais allonger la liste, mais dans l'urgence, vous pouvez toujours, au lieu de faire appel aux retraités et aux contractuels qui ne se bousculent pas, recruter les étudiants qui sont sur la liste complémentaire du dernier concours de professeurs des écoles et qui n'attendent que cela. Eh oui, créer des emplois. Aussi, pour montrer ma solidarité avec mes collègues actifs qui n'en peuvent plus de cette situation et du mépris qu'ils ressentent de la part de leur ministre, je serai dans la rue avec eux le jeudi 13 janvier, jour de grève. Bon, c'est passé le 13 janvier, mais bon, on verra la suite. Je vous prie de recevoir, monsieur le directeur académique, l'assurance de mon plus grand respect et de croire à mon indéfectible attachement au service public d'éducation. Alors, il est question un peu plus haut dans la lettre des capteurs de CO2. Alors, moi, je préférerais des purificateurs d'air. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, on peut mettre les deux, hein. Ah oui, on peut mettre les deux. D'abord, le détecteur de CO2, et puis ensuite, on met en route le purificateur d'air, mais on peut se passer du détecteur de CO2. On met un purificateur d'air qui purifie l'air, qui retire de l'air que l'on respire, eh bien la totalité des microbes, que ce soit des bactéries ou des virus. Voilà. Un virus. Pourquoi la commune gagne-t-elle toujours autant d'habitants à Dommartin-lès-Remiremont ? Avec 1882 habitants, Dommartin-lès-Remiremont fait partie du top 5 des communes vosgiennes qui ont gagné le plus d'habitants ces dernières années, soit 47 de plus entre 2013 et 2019, alors que le département enregistre sur cette même période une baisse de 0,48%. Les explications de Catherine Louis, maire. Alors, parmi les explications, j'abrège un peu, des écoles pour tous les niveaux. La commune compte une école maternelle avec 4 sections et une école élémentaire pour tous les niveaux du CP au CM2. Ensuite, un lotissement pour seniors. Les 17 pavillons individuels des Blés d'Or réservés aux seniors sont pris d'assaut avec une liste d'attente longue comme le bras. Eh oui, et bientôt il n'y aura plus d'habitat en Mirmont. On ira tous habiter à Dommartin. Eh oui. Le cannabis, un mal qui gangrène les Vosges. Alors il y a quelqu'un qui a ajouté à côté. Et le chômage. Eh oui, il y a le chômage aussi qui gangrène les Vosges. Vol de crucifix. Un an ferme pour le stakhanoviste du braquage. Alors, oui, j'ai ajouté, c'est très vilain, mais il faut aussi, surtout, condamner les responsables du chômage. Il faut les condamner au chômage. Guérir le mal par le mal. Eh oui, messieurs les députés, les sénateurs, les chefs de banque, les chefs de ceci, les cadres de cela, etc., etc., les anciens énarques et tout ce qu'on voudra, l'élite de la nation, eh bien, si vous faites pas baisser le chômage, on va vous punir. On va vous mettre au chômage. Voilà. Mavachou, bon. C'était comme un taureau dans une arène. Saïd Dib, psychologue, clinicien et psychothérapeute, avait reçu Maëva Frossard, alias Mavachou, à 8 reprises. L'influenceuse a mis fin à ses jours le 22 décembre, après des mois de cyberharcèlement. Le praticien avait envoyé un signalement au procureur de la République 10 mois avant le drame. Cette maman de 4 enfants a fait 2 tentatives de suicide au mois de juin. Ce que recherchait Mavachou, avant tout, c'était de la protection. Tout à fait, elle n'en avait pas. Voilà. Eh oui, on est dans une société tellement civilisée. Oh, nous vivons dans un monde extra-civilisé. La France est le pays le plus civilisé du monde. Eh oui. Alors, voilà. Alors, les suicides, la criminalité, le chômage, la consommation de drogue, etc. Tout ça, c'est à la baisse. Tout s'améliore grâce à M. Macron et à la bande qui l'a mis au pouvoir. La bande. Eh oui. La FI, la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est le choix de la raison au service de l'intérêt général. Alors, je prends quelques lignes dans un tract qui fait une page complète. Son programme d'action fait face aux puissances d'argent et pour une meilleure répartition des richesses, pour l'augmentation des salaires et la lutte contre la pauvreté, pour la restauration des services publics, enseignement, santé, justice, police, transport. Tu pourrais t'abstenir. Bien sûr, dit le rédacteur du tract, s'adressant à chacun d'entre nous, à son âme et conscience de chacun de nous. Tu pourrais t'abstenir, bien sûr, mais alors tu laisseras aux votants le droit de décider pour toi. Tu laisseras aux votants le droit de décider pour toi. Alors, sois réaliste, optimiste, enthousiaste, change d'avis et vote pour un programme qui rassemble l'avenir en commun. L'avenir en commun, c'est un programme qui est en vente dans les grands magasins, enfin certains grands magasins, au prix de 3 euros. Hein, c'est à peine plus que le prix d'impression. Hein. 3 euros. Et il y a de la lecture pour un petit moment. Ça vaut le coup. Il faut le lire à petite dose. Hein, un chapitre à la fois. Voilà. Vote Mélenchon, celui qui le porte, et tu pourras aider à la mise en chantier d'une nouvelle France. Nouvelle France. Vote Mélenchon et tu ouvriras la porte à des jours meilleurs. Alors, les agriculteurs haussent le ton. Ouais. En plein bras de fer avec la grande distribution, le secteur agricole compte faire entendre sa voix dans la campagne présidentielle. La FNSEA craint une nouvelle guerre des prix avec le retour de l'inflation. Le syndicat agricole dresse un bilan mitigé du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oh ben, et comme les autres, ils auraient dû réfléchir avant de voter. Eh oui, oui, oui, il y en a beaucoup qui ont mal voté en 2017. Eh oui, oui, oui, oui. Ils se sont laissés avoir. Ah, oui. Les apparences. Hein. Si on se base sur les apparences pour voter pour un individu qui va nous gâcher la vie pendant 5 ans et plus, parce que même le mandat terminé, Sarkozy est parti depuis un certain temps et sa politique, elle est toujours... voilà. Les infox, une menace. Des supporters de Donald Trump en Pennsylvanie en novembre 2020. Trump ainsi que ses soutiens ont propagé de nombreuses fake news ces dernières années. Alors, infox, fake news, ça veut dire... c'est des mots de patois, certainement, hein. Oui, du patois de Don Martin ou de Remiremont ou de Saint-Étienne. Ou peut-être même de Gérardmer ou de la Bresse, hein. Ah, attention, hein, oui, oui. Sur les démocraties. Alors, infox, fake news à l'anglais. Ah, voilà. Sur la page suivante, il y a un commencement d'explication. Infox, fake news à l'anglais. Information mensongère ou délibérément biaisée, contribuant à la désinformation. Signé le dictionnaire Le Robert. Hein? Eh oui. Robert, il sait parler français, lui. Eh oui. Bon. Les travailleurs sociaux crient leur détresse. Alors, l'EPR de Flamanville encore retardé. EDF annoncé mercredi de nouveaux retards, au pluriel, et surcoût pour le réacteur nucléaire de nouvelle génération EPR en construction à Flamanville, dans la Manche. Un nouveau report qui intervient alors que le nucléaire est l'un des sujets majeurs de la campagne présidentielle. Tiens, c'est un sujet majeur. On en parle très peu. Tiens, tiens. Alors, est-ce qu'il y a eu des consignes, hein? On sait pas. C'est pas parce que pour l'instant, on en parle assez peu quand même, hein. Voilà. Le site de Flamanville, dans la Manche, devait être au départ mis en service en 2012. Nous sommes en 2022. C'est moderne, le nucléaire, hein. Oh, c'est moderne. Oh là là là là. Eh oui, ça coûte pas cher, ça produit pas de gaz carbonique. Ben, pour fabriquer le ciment, il faut le gaz carbonique. Pour extraire le sable et le gravier, les transporter, concasser, triturer, faire le béton, ça fait du gaz carbonique. Et puis mettre le béton en place, aussi, les coffrages, les armatures métalliques, tout ça, ça produit beaucoup de gaz carbonique quand même. Enfin, bon. Allez, on va pas... Hein, non, on va pas chercher des ennuis à ces gens-là. C'est nous qui les avons mis au pouvoir. Alors après, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est la fermer. Enfin, moi, j'ai pas voté pour eux. Le présidentiel 2022, Hidalgo, le programme bouée de sauvetage, point d'interrogation. Anne Hidalgo détaillera ce jeudi matin son projet présidentiel 2022. Avec cet exercice, la candidate socialiste espère une nouvelle fois relancer sa campagne atone et faire oublier, je voulais la faire oublier, moi. Non, elle va pas oublier, elle va continuer à marcher droit, et faire oublier les divisions à gauche. Eh oui, voilà, division à gauche. Y a-t-il encore une gauche, à part Mélenchon, moi, j'en veux plus. Le nucléaire à volo, oh ben on verra ça une autre fois, hein, parce que le nucléaire, on a déjà parlé pas mal. Alors, je vous souhaite quand même... Malgré tout, malgré toutes ces nouvelles-là, je vous souhaite une bonne nuit.